Bonjour à tous, bienvenue dans BGS. Je suis Kirby, nous sommes en juillet 2010 et c'est l'épisode numéro 1. Bon appétit à tous. Nous sommes avec Chauve, l'homme qui renverse la pizza sur le sol. Bonjour. Alors de quoi vas-tu nous parler, Chauve ? De bière. De bière et de pizza. Stetson, le Stasunien. On s'en fout, tais-toi. Stetson, le Stasunien. Bonjour, Stetson. Bonjour. De quoi vas-tu nous parler ? De rien. On va faire un débat sur le doublage. Et c'est tout. Et je parlerai de news avec toi. Alors, tu donnes vraiment envie aux gens de l'écouter, quoi. N'est-ce pas? C'est ce qui me semble, oui. Alors, je suis le côté sérieux. Le côté con, ouais. Si vous permettez, les enfants. Pour résumer, on a décidé de faire un podcast. Pour quelle raison, Chauve? Pour se faire des femmes. Voilà, la rançon de la gloire. Ouais, c'est drogue et rock'n'roll. L'argent, les femmes, voilà, les belles bagnoles. Les ânes, on aime bien les boudets. Mmh. C'est une grande passion chez nous. Coucou. Donc, tu veux m'inviter ? Le but, non merci. Je crois que personne n'a envie de voir ça. Donc le but de podcast, je disais, c'est juste de parler entre nous de choses qui nous intéressent, de choses qu'on aime, de conneries. Mais surtout moi. Ouais. Voilà, de déconner, de faire des conneries. De... À part le mot connerie, qu'est-ce qui nous caractérise ? Les gaudrioles. Merci Jo pour cet élan verbal. Les gaudrioles. On va aussi parler de masturbationféminin.com. Et de saut du rêtre. Et de saut du rêtre. Apportant le saut du rêtre. Leur grande passion à tous les deux. Et oui, c'est l'insertion d'objets. Alors. Dans le rêtre. Pour le moment, vous ne pourrez retrouver le podcast nulle part. Pas de site. Y a pas d'iTunes, y a rien. Surtout que c'est la quatrième fois qu'on enregistre, qu'il y a chaque fois un truc qui merde. Ouais, mais... Normal, c'est le numéro 1 officiellement. Mais en fait, c'est le numéro 6. Mais bientôt, un site verra le jour. On attend toujours. Important, un forum. Non, il est déjà en place. Oui, il ne reste plus que le nom de domaine. Histoire que ce soit plus propre un petit peu, qu'on fasse bgs.com, bgs.net, quelque chose comme ça. Mm-hmm. Un petit blog, pour de pouvoir publier de temps en temps des conneries. Et bien entendu, iTunes, parce que Stetson, c'est obligatoire, merci Stetson, de suivre. Pourquoi... Bon, alors, nous allons tout de suite commencer à entrer dans le vif du sujet. Entrons. Rom, bien entendu. Chauve est en train de manger une pizza. Bon appétit. Merci. Donc, je disais, nous entrons dans le vif du sujet. On va commencer à parler de news high-tech. Fais donc, mon petit. Ah non, c'est toi qui commence. Oh, cette zone est difficile. Oui, toujours. Alors, dis, quelle news high-tech as-tu ? Il n'y a pas eu grand-chose hein, cette semaine. Il n'y a pas grand-chose cette semaine, non. Il y a le 3, ça on y viendra juste après. Ouais. Mais qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Il y a eu des trucs bien un petit peu plus vieux, genre la sortie de l'iPhone. La sortie de l'iPhone. Désolé, Chauve, mais ah nous sommes obligés d'en parler. Allez-y, j'irai fumer ma clope. Bon, alors, la sortie de l'iPhone 4, cette sonne. En gros, un succès. Ouais, forcément. Comme à chaque fois. C'est prévisible, maintenant. Un succès, mais... Mais qu'as-tu à dire anti-Apple ? J'ai rien à dire en anti-Apple, c'est pas une question d'anti-Apple. Non, mais ça va arriver. Mais disons que l'iPhone 4 souffre un petit peu de problèmes d'antenne. Un petit peu, oui. Très légèrement. Alors, Chauve, pour te resituer l'histoire. Bon, quand même que tu saches. Faites vite, parce que dans 2 minutes, tu dors. S'il te plaît. Bref. Reste parmi nous. Nous avons besoin de toi. D'accord. Besoin de rire, vite. Bref, donc, je disais, pour te resituer, Chauve. L'iPhone, le nouvel iPhone, en gros, ils ont décidé d'implanter une nouvelle technologie révolutionnaire qui consiste en fait, si tu veux, autour de l'iPhone, tu as tout un tour en métal. Enfin, c'est du métal, je pense, non ? Ouais. C'est une sorte de métal. L'arrière avant était en plastique, maintenant ils l'ont mis en verre. Qui fait antenne. Et oui, voilà. Ouais. Ah, bah tu vois, tu sais. Bah, c'est un peu logique aussi. Donc le tour, tout le tour fait l'antenne. Donc la partie supérieure, je ne sais plus, dis-moi si je dis une bêtise, la partie supérieure c'est ce qui est 3G et GSM, et en dessous c'est Wi-Fi, Bluetooth, quelque chose comme ça. Non, parce que quand tu perds du 3G si tu mets ton doigt en bas, donc. C'est en bas, donc en bas la 3G, en haut. Et le GSM aussi en bas. En bas 3G, GSM, le GPS, et en haut Bluetooth, peut-être Wi-Fi, un truc comme ça. Bref. Et chauffe, s'il te plaît. Merci. Donc, si tu nous écoutes. Oui. Le problème, c'est que quand tu mets ta main d'une certaine façon, si tu vas poser ton doigt sur un endroit de l'antenne. Ça marche plus. Tout le réseau est perdu. Enfin, ton réseau descend. Donc si t'es au téléphone... Le réseau descend, honnêtement, les vidéos que j'en ai vues... Ouais, mais les vidéos que les mecs, ils se mouillent les doigts et tout ça pour augmenter la... Oui, ils font exprès de le mettre au bon endroit, avec les doigts un peu mouillés, etc. N'empêche que t'es dans un endroit où t'as pas beaucoup de réseau, tu prends d'une certaine manière avec ton doigt cet endroit-là, bah tu sais plus téléphoner. Ce qui est pratique, on va dire, pour un téléphone. C'est autour de la merde, quoi. Surtout mais c'est... Arriver sur d'autres téléphones avant, c'est pas nouveau comme problème. C'est pas nouveau, mais c'est accentué sur l'iPhone de par la position de l'antenne, simplement, de par le fait que l'antenne soit dans cette partie-là. Mais c'est arrivé sur d'autres téléphones ou en mettant son doigt ça sur... Je ne dis pas. Il n'empêche que j'ai vu une vidéo d'une personne qui faisait le test avec un Nexus One, un iPhone et je ne sais plus le troisième, si je ne dis pas de bêtises, un Motorola. Il a fait au même endroit, donc avec le même réseau. Le seul qui perd complètement le réseau, c'est l'iPhone. Ouais, mais je dis pas que c'est le cas est pas pire sur l'iPhone, mais alors, c'est pas la première fois qu'il y a un problème. Excusez-moi, mon GSM sonne. Excusez-moi pour cette petite interruption momentanée du service. C'était un appel téléphonique. Donc je disais, d'accord, il n'y a pas que sur l'iPhone, hein, parce que c'était là que nous étions arrivés, mm-hmm. Mais l'iPhone est pire que les autres, en fait. Enfin, pire que les autres. Non, je suis un peu trop direct. N'est pas pire que les autres. Disons que déjà, c'est beaucoup plus facile de le voir vu qu'il y a un parc beaucoup plus grand. Voilà. Et puis en plus, la façon de repositionner l'antenne dont la technologie est faite accentue simplement le problème. Et c'est là justement que la réponse d'Apple me fait rire. La première réponse d'Apple était honteuse. La première réponse d'Apple était honteuse. Chauve, pour te situer, tu es consommateur. Il aurait dit de se faire foutre ou un truc du genre. Voilà, exactement. Donc tu es consommateur, tu achètes un iPhone, le nouvel iPhone qui coûte... Ça risque pas, je sais hein, pas, hein. 600 euros. Comme ça dépend aux US, si ouais, ça se bon. Contrat. Aux States. Ouais. Aux États-Unis. Donc, chaud, tu achètes un GSM 600 euros. Ça risque pas, mais oui, admettons. Voilà. On admet. Tu achètes un portable 600 euros. Le but premier, c'est quand même de téléphoner. Bon, c'est un gadget, il y a plein de choses qui sont géniales, mais le but premier est de téléphoner. Tu te rends compte de ce problème-là. Qu'est-ce que tu fais? C'est du moins ce que certains ont fait. Ils ont pris leur petite mimine, ils ont envoyé un email à Steve Jobs. En leur expliquant le problème. Qu'est-ce qu'il a répondu? Merde. Ah là, allez vous faire foutre en gros. Il a répondu qu'il devrait le tenir dans une autre manière. Voilà, que c'est eux qui ne savaient pas tenir un téléphone portable, et c'est tout. Et également, oui non, il a aussi apporté une autre précision, que s'ils achetaient la housse officielle d'Apple, le problème ne se présentait pas. Que s'ils achetaient une housse et qu'ils en vendent... Oui, voilà, oui. C'est en voulant dire acheter la housse officielle, bien entendu... Là, le problème ne se présente pas. Parce bien que, entendu. Une petite note aussi, tu peux mettre un petit bout de scotch au niveau de l'endroit où la perte se fait. Quand tu poseras ton doigt, ça ne fera plus contact, il n'y aura plus de problème de réseau. C'est vrai que pour un appareil de ce prix-là, du scotch, c'est très... Bon, voilà. Enfin, en même temps, c'est pas pire que les gens qui mettent des housses en silicone. Hein, mais... Voilà, mais ça, c'est un autre débat que nous aurons un autre jour. Dans les restaurants. Bon. Mais ici, il y a eu une lettre récemment publiée par Apple. Tu l'as pas vue, c'était... Non. Donc en fait, récemment, Apple a publié une autre lettre en expliquant qu'en fait, il ne s'agirait pas d'un problème matériel, c'est un problème logiciel. L'explication est un petit peu vaseuse, je dois l'admettre. Mais d'après eux, la version de l'iOS 4 actuellement indiquerait trop de barres réseau comparé à ce qui est réellement disponible. C'est un bug logiciel. Donc résultat, quand on met le doigt et qu'elle perd, elle les perd de façon accrue et donc les fait toutes disparaître. Voilà l'explication d'Apple. Donc, ils vont faire une mise à jour software. Maintenant que ce serait facile. Ils vont corriger le problème. Payante ? Non, quand même. C'est gratuit. Jamais. Bon. Moi, personnellement, je ne crois pas le moins du monde à cette explication. Oui, mais ce sera vite vérifié. Donc. Voilà, ce sera vite vérifié, c'est clair. Mais c'est pas possible. Parce que si tu mets de l'eau sur ton doigt pour faire encore plus contact, ça accentue le problème. tu le remarques encore plus. Donc, c'est pas logique en plus qu'il y ait une perte de réseau totale. D'accord, les barres sont peut-être mal indiquées, mais s'il en reste, il devrait quand même au moins rester une barre, tu vois. Pour moi, il y a quelque chose qui. S'ils arrivent à le régler le problème comme ça, bah, tant mieux pour les clients. Tant mieux pour eux, tant mieux pour les clients, mais j'ai un gros doute. Et apparemment, le problème serait surtout pour les gauchers. Les gauchers, la façon de tenir, en fait, ils mettent la plupart mettent le doigt à cet endroit-là, en fait. Ah ouais. Quand t'es droitier, tu les tiens plus haut. Donc, c'est un, en fait, c'est un, voilà. Près, donc, en fait, d'après Steve Jobs, tu dois acheter une housse Apple bien chère. Être droitier. Être droitier et savoir tenir un téléphone correctement. Pour résumer. C'est un poil exagéré, mais oui. En gros, c'est ce qu'il a voulu dire. Il est un poil trou du cul aussi. Voilà. Pour un qui veut privilégier l'expérience utilisateur. Ouais. J'ai des doutes, personnellement. J'ai des doutes. J'appelle ça un gros fail. Voilà. C'est tout. C'est la seule chose qui me vient à l'esprit. Non, mais je suis globalement d'accord. Surtout les réactions qu'ils ont eues. Déjà, de ne pas vouloir admettre au début qu'ils avaient un problème. Oui, déjà au début, c'était refuser qu'on avait un problème. Et puis après, quand ça s'est étendu sur le net pour essayer de calmer ça, ils ont commencé à pondre des solutions un peu vaseuses et nous sortir enfin la grosse lettre. Parce que c'est une énorme lettre que j'ai lue qui fait plusieurs pages, qui explique que c'est un problème logiciel. On verra. La future version nous le confirmera. Donc, faut pas l'acheter. Disons que non. Disons que certaines personnes ne parviennent pas à recréer le problème, par exemple. Donc je ne sais pas, est-ce que c'est vraiment une manière spécifique de le tenir? Est-ce que le problème est accentué sur certaines versions? Je ne sais pas. Enfin bon, pour un GSM2, ce prix-là, personnellement, censé être le top du top, j'ai des doutes. Bon, news suivante, puisque M. Stetson n'a rien préparé, je le révèle à notre public. Honte à toi, Stetson. Comme d'hab. Chauve, un bouh pour Stetson. Bouh. Bouh. Merci, Chauve. Si, vous voyez, si le vous bouh. Vous mettez deux secondes, j'ai un autre truc pour Stetson, mais vas-y, continue. D'accord, Chauve nous prépare une surprise. Donc, deuxième petite chose. C'est le gros bordel, mais c'est pas grave. l'annonce récente de Google, je ne sais pas si tu as vu ça, Stetson, qui disait qu'il n'y aurait pas de Nexus 2. Pas de suite au Nexus. Non, j'ai pas vu. Donc, en gros... Je me permets de vous interrompre deux secondes. J'ai trouvé mon truc pour Stetson, parce que je voulais y répondre. Vas-y. Excusez-moi. On t'écoute. Tu veux voir ma bite? Voilà. Oui, poursuivez. Merci pour cet intermède. Voilà, c'était très nécessaire. Non, mais faites comme si j'avais rien dit. Donc, Stetson... Comme on fait d'habitude, quoi. Ouais, voilà. En gros, ils ont déclaré qu'ils ne feraient pas de Nexus 2, parce que le succès du Nexus One a été suffisant. Et que le Nexus One, en réalité, était là uniquement pour pousser les autres fabricants à accélérer le développement de leurs appareils, à produire des appareils beaucoup plus puissants. Ouais, j'y crois pas vraiment. C'était, selon eux, c'était ça le but du Nexus One, c'était de pousser les autres à avancer plus vite. Bon, à la base, je n'y crois pas. Je ne pense pas que c'était leur but premier. Leur but premier, c'était vraiment d'investir le marché du téléphone. Ouais, maintenant, d'être présent sur le marché hardware. Quoi. Voilà, ils essaient d'être présents partout. Maintenant, il faut reconnaître une chose, c'est que ça a eu cet effet-là. Donc même si ce n'était pas l'effet désiré au départ... Je ne pense pas que c'est le Nexus qui a poussé le marché. Je pense que c'est chaque fois l'iPhone qui a poussé. Pour le coup, là, actuellement, je ne suis pas sûr. Personnellement, je pense que les derniers téléphones Android ont été développés... Regarde le HTC Desire, par exemple. Il a été développé par rapport au Nexus. Et c'est un Nexus un petit peu amélioré. Mais bon, je pense quand même que ça a eu un petit effet au niveau des conceptions. Ils sont quand même tous suivis ce qu'a fait le 3GS il y a un peu plus d'un an. Ça, je suis d'accord avec toi. Mais je pense que... Chauve, s'il te plaît. S'il te plaît, je suis un peu de sérieux. Donc, je disais, je pense quand même que ça a eu un effet. D'ailleurs, je ne sais pas si tu as vu la petite news, les prochains à 2 Go sont déjà annoncés. J'ai vu, mais il y a un petit temps maintenant. C'était pas. Depuis le temps qu'on doit enregistrer, en même temps, je ne dis rien, mais ça fait 2 semaines, je crois. Ouais. Mais Samsung a publié déjà les caractéristiques d'un modèle avec 2 gigas au niveau de la puissance du processeur. C'est bien. Quand il y aura une vraie marque qui en fera un. Ce qui risque. Qu'est-ce que tu as contre Samsung? Bon, pour leur téléphone. Moi, j'aime bien. Je trouve ça pas mal. Il faut voir ce qu'ils nous sortiront. Motorola, je suis désolé, mais Motorola, avant de sortir les téléphones sous Android, il n'y a plus grand-chose de bon chez eux. Y avait entre les Rezar du début, et puis après tous les Rezar pourris qu'ils ont enchaînés, et le droïde, il n'y a rien chez Motorola. Motorola, je suis désolé, mais voilà, vos droïdes ici, c'est... Voilà. C'est d'ailleurs, même ici, oui, il y a le Milestone, c'est tout. Donc ici, Samsung peut très bien nous sortir quelque chose de fulgurant qu'on n'attend pas. Peut-être, mais je suis pas très confiant. Mais de toute façon, tu sais très bien que le prochain, c'est le Dell avec un clavier. Je ne suis pas le plus convaincu du monde à ce sujet-là. Alors, Et pourtant, tu veux un clavier. Je veux un clavier, mais je ne suis pas convaincu par Dell. J'attends de voir. Mais les deux, en fait. D'ailleurs... Windows, de plus en plus. Plus je vois des images, plus ça me tente, mais je sais pas. J'attends de voir. Dell, d'ailleurs, ça me tente pas. Autre petite news en vrac. Oui, je sais, j'ai un portable Dell. Merci, Stéphane, de me faire remarquer. Donc, mais, pour les ordinateurs, pas pour les téléphones. Je casse un peu, mais tu as vu justement ce qui est arrivé aux ordinateurs Dell? Oui. J'ai lu ça rapidement il y a quelques jours. Mais... Donc, vas-y, explique-moi. Non, bah, ils ont envoyé, enfin, ils ont livré des ordinateurs avec une pièce qui savait défectueuse, mais des millions. Hein. Et maintenant, toutes ces pièces-là plantent. Et donc, les gens qui ont acheté des parcs pour des entreprises où ils ont 200-300 PC, ils ont tous planté en même temps. Super. Ce qui est très pratique, oui, effectivement. Ils viennent de prouver qu'ils savaient que cette pièce-là était défectueuse et qu'elle allait planter autour de maintenant. Ils sont dans la merde, du coup. Bah, comme la plupart des fabricants qui sont obligés de rappeler des millions d'appareils pour... Ouais, mais là, s'ils le savaient déjà avant... Mais ça, bon, c'est la logique du marché. C'est on pas dire. Très... pour le marketing, c'est pas, ça non. fait un peu tâche. Ouais, non, pour l'image de marque, c'est clairement pas très glorieux, mais bon. Et bon, Dell, ici, c'est pas trop marqué, mais... Aux US, c'est quand même beaucoup plus fort, quoi. Ouais, c'est plus fort que chez nous, ça. Bon, je disais donc, autre petite news en vrac, avant que ça me coupe. Google qui tente encore une fois de se lancer dans les réseaux sociaux. Après les différents échecs cuisants de Orkut et de Google Buzz. Quoi ? Orkut, j'ai jamais entendu. Vous ne connaissez pas Orkut ? Ni l'un ni l'autre, moi. Google Buzz. Alors, Orkut, c'est un réseau social créé par. Racheté, plutôt. Comment par... ça s'écrit ? Orkut. C'est un réseau social racheté par Google il y a des années et c'est très célèbre au Brésil. Ah oui, c'est ça, tu m'en avais parlé. Au Brésil, c'est. Ça marche super. Ça a une explosion extraordinaire. C'est chaud, quoi. C'est brésilien. C'est, voilà. Mais au Brésil, je crois qu'ils sont devant Facebook. Hein. C'est la folie là-bas. Après, ils ont essayé de lancer Google Buzz. Chauve, tu connais quand même, tu l'as dû le voir dans Gmail. Ouais, vu qu'ils l'ont ajouté dans Gmail, ils l'ont envoyé jamais sur Gmail. Ah, Chauve, jamais sur Gmail, d'accord. Donc, Google Buzz, c'est une sorte de mix entre Twitter et Facebook qui était inclus à Gmail. Bon, personnellement, passer par mon compte email pour aller publier des choses sur un réseau social qui n'est ni un microblogging façon Twitter, ni un réseau social façon Facebook où tu sais faire des groupes et compagnie. Tu sais faire quoi, en fait, là-dessus ? Voilà, quoi. En gros, c'est comme Twitter. T'as un champ où tu peux entrer un commentaire qui sera lisible par tous les gens qui sont abonnés à ton compte. Mais en plus de Twitter, tu peux y mettre des images, des vidéos, tu peux inviter des gens dessus, tu peux faire des... Bon, Twitter, maintenant, permet de plus en plus ce genre de choses, mais bon, voilà, c'est... Il manquait des choses que Facebook a, et ils essayaient d'aller sur le terrain de Twitter, mais sans en reprendre les bonnes bases. Bref, ça n'a pas marché, comme le reste. Et là, ils retentent le coup avec un truc qui devrait s'appeler Google Me. Google Me. Non très évocateur, non très... Hein, ils auraient pu trouver un petit peu mieux, on va dire. Ouais, enfin, ça marche bien. Hein. Bah, Google Me, oui, c'est simple, c'est efficace, mais... Voilà, donc ça, c'est la future tentative de Google. On verra bien ce que ça donnera, mais pour avouer qu'ils sont forts pour beaucoup de choses, mais sur les réseaux sociaux... Ouais, c'est difficile, ils n'ont jamais réussi à... De retirer le public de Facebook et de le faire venir ailleurs. Donc. Alors, Facebook, déjà, c'est pas la peine d'espérer. Je ne sais pas si tu avais lu la news. Si tu avais lu la news que Facebook avait dépassé les 500 millions d'utilisateurs ouais. et espérait les 1 milliard d'ici 2012. Non, j'ai pas lu qu'ils espéraient 1 milliard. Si, selon les chiffres de croissance, ils devraient pouvoir atteindre les 1 milliard d'utilisateurs en 2012. Ce qui est quand même pas mal pour un site internet. Hein. Mais c'est pas étonnant vu qu'il y a des marchés qui s'ouvrent donc. plus Internet devient développé, plus les gens iront sur Facebook. De toute façon, on aura, à mon avis, on aura un jour un débat sur Facebook, mais le but vraiment de Facebook, c'est de devenir Internet, de devenir le portail Internet le plus... Rien qu'avec leur bouton j'aime, enfin like, si tu préfères. Et partout, c'est ça le prix. Voilà, maintenant, ouais. ils l'ont implanté partout, c'était leur but. Faire un bouton très simple, like, que n'importe quel site peut inclure. Et résultat, ben, tous les sites veulent profiter de la popularité de Facebook pour avoir un petit peu de vue, un petit peu de promotion. Ouais, ouais. Donc la personne qui aime bien une vidéo, elle clique sur le bouton like, ça se met sur Facebook, ses amis peuvent la voir et quand ils cliquent dessus, peuvent être dirigés vers le site en question. Mm. Voilà, donc comment, sur le coup, ben, Facebook est gagnant parce qu'il engrange encore plus de trafic, il y a encore plus de données qui transitent par lui, donc il peut encore vendre plus d'espace publicitaire, plus de, atteindre plus de marché. Et le site en question aussi accroît son trafic par les amis Facebook et la personne qui l'a publié. Donc tout le monde y gagne au final. Mmh. Sauf évidemment la vie privée selon certains, mais ça c'est un autre débat. Tu nous parleras de comment tu as effacé ton compte Facebook. Il est revenu. Qui est revenu parce que j'ai découvert une chose. Quand tu effaces ton compte Facebook, parce que j'ai tenté de supprimer mon compte Facebook, et tu as le malheur, une fois par hasard, parce que j'ai un deuxième compte Facebook... Il me sert simplement pour espionner, pour aller voir des trucs. Ça pour sert absolument à rien. C'est une... On voit le genre, quoi. Non, mais c'est pour le fun de... Ben, j'ai remarqué que quand tu cliquais sur un lien j'aime... De toute façon, que... tu peux pas espionner si t'as pas les amis. La personne en question aussi. Il y a des moyens de... Sur Facebook, tu as un moyen de voir les profils des autres à partir simplement d'une personne, de voir ceux des autres. Et t'as plein de moyens sur Facebook. Faut pas croire que tes trucs sont protégés si tu les mets confidentiels dans les... Bon, je mets rien. Bref, j'ai découvert, donc, que ton compte, en fait, n'était pas supprimé. Non. Que ton compte n'était pas supprimé du tout. Parce que j'ai voulu cliquer sur un bouton j'aime. Et par mégarde, par réflexe, j'ai entré mon login et mon mot de passe du compte supprimé. Et automatiquement, en fait, ça te le réouvre avec tous tes amis toujours présents, tous tes trucs sont toujours là, en fait. Mmh. Tout est toujours sauvegardé chez Facebook. Ton compte n'est pas supprimé du tout. Faut voir s'il le supprime après un certain temps, parce que ça faisait. Non, en fait, je me suis renseigné après. J'ai lu, il le désactive, mais il ne le supprime pas. Pour le supprimer, tu dois faire une demande écrite à Facebook. Ce qui, à mon avis, n'est pas gagné pour arriver jusque. Oh, à mon avis, jusqu'aux États-Unis. Il y a quelqu'un qui s'occupe de ça, hein, mais. J'espère quand même. Parce c'est que... surtout que, de toute façon, ils se disent que les gens ne font pas parce que ça fait chier d'écrire une lettre. Oui, à mon avis, c'est plutôt ça. Voilà. C'est le même principe que si tu veux ne plus être baptisé, tu vois, tu dois envoyer une lettre au Vatican. Et donc, non, c'est à ton diocèse, je pense. Quoi ? C'est à ton diocèse, pas au Vatican. D'envoyer, ouais, c'est pas au Vatican directement. Et c'est le diocèse qui s'occupe. Qui l'envoie, au besoin, s'occupe de faire transiter la demande. Je crois pas qu'il y ait besoin. Bon, donc, de toute façon, voilà. C'est toujours lourd d'envoyer. J'ai avoir la réflexion d'un monsieur tout le monde. Voilà, exactement. C'est toujours lourd d'envoyer une vidéo. Donc, au final, je préfère rester baptisé et tant pis, j'en ai rien à foutre. Que de devoir me casser le cul à envoyer une lettre pour dire, ouais, je ne suis plus baptisé. Waouh. Donc, tant pis, je le suis. Bah, je veux dire, ça ne me change pas foncièrement la vie. Non. Ce serait même plutôt un autre extrême si je venais à le demander. Alors, une petite news suivante dont j'avais envie de parler en vitesse. Est-ce que vous avez vu, donc, à propos de Facebook, il va y avoir un film Facebook? Ouais. Quoi? J'étais choqué de la réaction. Quoi? Il y a, tout à fait. Cette connerie. Il y a un film Facebook. Ouais, je sais bien. Tu l'as vu, Stetson? Ouais, j'ai vu. Ça... The Social Network. Sur, voilà, Ida aime les Beastie Boys Non, sur la création. En fait, il a dit, ça s'appelle The Social Network. Et en fait, ça va parler de la création de Facebook. De l'histoire de Mark Zuckerberg. Super. Non, alors... mais. T'es négatif alors que c'est intéressant. Ah oui, très. Ben oui. Est-ce que. Un simple exemple. Est-ce que tu as déjà vu Antitrust? Le film Antitrust? Non. Rien de le regarder, c'est très intéressant et ça parle. Là, c'est plus caché. C'est pas vraiment sur la création même ou sur le. Mais en gros, de manière cachée, ça parle de Microsoft. Et d'Apple et tout ça. Oui, d'Apple et tout ça. Mais tu vois vraiment que le grand patron, je ne sais plus son nom, fait référence à Bill Gates. Ouais, ouais, tout à fait. Tu le vois tout de suite. Donc c'est vraiment intéressant. Comme vu, franchement, c'est très très bien tourné. Alors, je vais quand même vous annoncer un petit quelque chose. Il y a aussi. Je vais vous annoncer deux choses à propos de Social Network, si tu permets. Ouais. D'abord, le réalisateur. Stéphane, est-ce que tu l'as pas, non, je l'ai lu, mais je ne me rappelle pas. David Fincher. Voilà. Et alors, moi, la deuxième chose que j'ai préféré lire, c'est le casting du film, avec un grand acteur qui a joué dans énormément de films, Qui s'appelle pas si atroce, là, Attends, laisse-moi deviner, il a joué dans quoi? Il a joué dans quoi? Le problème, c'est qu'il a joué dans rien, justement. Bah si. Non, il s'appelle Justin Timberlake. Ah si, il a joué dans Alpha Dog. Il a joué dans Alpha Dog? Ouais. Ah, je ne savais pas. C'est lui qui fait le pay qui a créé Facebook? Non, du tout. C'est Jesse Sandberg, je ne le connais pas. D'accord. Jesse, si tu préfères. Ouais, ça. Stetson, toi qui aimes bien l'anglais, lis-moi le slogan du film. You don't get to 500 million friends without making a few enemies. Oh mon Dieu, ça c'est de la philosophie. Ça annonce tout de suite. Messieurs, dames. Ça annonce tout de suite l'auteur du film. Hein. Si tu savais un petit peu l'histoire de la création de Facebook, ouais, elle l'a je connais vraiment. Oui, mais... oui, non, je pense que ce sera intéressant, mais je veux dire, ça annonce tout de suite le style un peu polar, un peu... Ouais. Voilà. Enfin, ce qui est la vérité, ce qui s'est passé, donc c'est logique de faire... Oh, alors, je vous annonce que monsieur Justin Timberlake a joué dans Love Guru. Ah oui, c'est vrai. Va jouer cette année dans une adaptation en film de Yogi Bear. Vous vous souvenez de l'ours Yogi, les dessins animés? Non. Vous ne vous rappelez pas, un petit cartoon avec un ours? Mais il va jouer cette année dedans, voilà. Et dans Alpha Dog, Sozantel, Edison, Crossroad avec Britney Spears, et Long Shot. Eh ben, donc en réalité, il a une grande carrière d'acteur derrière. Ouais, vraiment, ouais. Alors, en parallèle à ça, je ne sais pas si tu as vu, mais David Fincher va également faire un film documentaire sur Google. Non, j'ai pas vu. Ça, tu n'as pas vu, c'est tout récent, je crois que j'ai lu ça hier ou avant-hier. Mais ce n'est pas un film prévu pour le cinéma, ce sera plus dans le style Les Pirates de la Silicon Valley, si tu as vu. Ah ouais, ben j'allais lui dire que c'était sympa aussi. Ah voilà, ben voilà un autre film que tu devrais regarder, Monsieur Chauve, ça pourrait te cultiver un petit peu. Ok. Les Pirates de la Silicon Valley. Ah ouais. C'est aussi sur la création du PC personnel. C'est d'ailleurs très intéressant. Je le trouve, un titre, c'est un film... C'est plus un thriller, et c'est imaginaire. Ouais. C'est vraiment... on se sert de base réelle, tu vois les références, mais... Mais déjà, c'est fort manichéen, c'est oui. Windows, enfin... Voilà, le logiciel libre, c'est le bien, le logiciel propriétaire, c'est le mal, voilà, c'est vrai que c'est... Mais... On dirait que c'est Thierry qui a écrit le film. Là, quand tu fais des private jokes en plein milieu, mais le... Totalement relancé. Les Pirates de la Silicon Valley, par contre, vraiment à recommander. Ouais. Voilà, il prévoit également donc un film reportage ou documentaire, je sais pas comment on va appeler ça, sur Google. Mm-hmm. Donc la prochaine guerre Google-Facebook aura lieu au cinéma. Il y a longtemps, il devait sortir un film documentaire sur Wiki, mais je sais pas si ça a plus l'air de se faire. Sur Wikipédia ? Ouais. De True Film Numbers, je crois. J'ai vu récemment un film sur les Lego et normalement un film sur Monopoly qui sortira bientôt. Enfin, il y en aura bientôt sur Mafia. Ça fait longtemps que quoi? Monopoly et oui, non, tu sais ce que j'ai lu dernièrement, un film sur Pac-Man. Il faudra quand même réussir à m'expliquer. Attends, un film sur Mafia Wars aussi, c'est chaud, quoi. D'accord, mais Pac-Man quand même. Je veux bien ce qu'on veut, mais une boule jaune qui mange des fantômes. Tu représentes ça comment à l'écran? On va mettre Justin Timberlake avec une grosse combinaison jaune et on va le faire courir. Okay, bah ils ont des projets comme ça un petit peu bizarres. Il faut bien trouver des projets. Hein. Ouais, c'est exactement ça. Il faut bien trouver des projets, tout à fait. Tu as bien résumé, Stetson, merci. Donc voilà, ça c'était pour mon petit tour rapide de News High Tech. Je pense que j'en ai pas oublié. De toute façon, on va pas. Ça fait déjà bientôt une demi-heure, donc on va peut-être passer dans le vif du sujet. Stetson, tu vas nous parler de l'E3 un petit peu? Non, avant de parler de l'E3, je vais parler d'une news que Blizzard a essayé de faire. J'ai vu les noms réels sur le forum. Ouais, les Real ID. Donc, là, c'est une grosse connerie, permettez-moi de le dire. Oui, sauf qu'ils viennent de l'annuler, donc t'avais pas besoin de le dire. Ah ben voilà, ils s'en sont rendus compte, c'est bien. Donc pour expliquer à Chauve, hein, parce qu'à mon avis, il ne connaît pas. Non. Blizzard, tu connais quand même, oui, ça va. Pour StarCraft 2, ils voulaient introduire le Real ID, et donc ça voudrait dire... Ça voudrait dire que dans les forums, tu devrais utiliser ton vrai nom pour pouvoir poster. Mm-hmm. Dans le jeu, tu auras toujours le droit d'utiliser un pseudo. Mais pour les forums, pour éviter les trolls et pour éviter la mauvaise ambiance, ils se disaient qu'avec le vrai nom, les gens auraient moins, tu vois. Mais bon, après énormément de retours négatifs des fans depuis quelques jours, ils ont annulé ce matin, ils ont dit qu'ils ne le mettraient pas en place. Ce qui, je pense, je pense être bien réfléchi de leur part, parce que je pense qu'avec l'obligation de mettre son vrai nom, il y a un petit paquet de personnes qui n'auraient plus fréquenté les forums officiels. Ben, déjà, déjà, j'irai plus sur Facebook avec mon vrai nom. Ça va plus être problématique pour en commentaire. On voit déjà le problème de Facebook avec les employeurs qui regardent ton profil pour voir s'il n'y a rien de choquant ou quoi. Donc, putain, heureusement que la mère regarde pas mon profil. En plus de ça, maintenant, en même temps, tu es avec deux anus. En même temps, tu es un choc à toi tout seul. Ouais, c'est vrai. Donc l'employeur pourrait regarder que tu postes et que tu trolls sur les forums de Blizzard. De Blizzard à la place de travailler. Exactement. Merci Blizzard. Mais je n'ai pas. Permettez-moi une chose. Je n'ai pas trop compris l'utilité exacte pour empêcher les trolls. D'accord. Mais il y a des modérateurs pour ça, des administrateurs. On peut. Un forum, ça se modère. Et c'est pas parce que tu vas mettre ton vrai nom que ça va t'empêcher de troller. De toute façon. Je pense que ça peut réduire quand même le fait. Réduire, mais de toute façon, ton compte, si j'ai bien compris, ton compte dans le jeu, avec ton identité, est associé. Bizarre, c'est faire l'association avec ton compte sur le forum. Donc si quelqu'un troll à partir d'un pseudo, ils savent te bannir et ils savent de qui il s'agit. Donc où est l'intérêt de. L'intérêt, c'était que les autres pourraient voir ton nom si tu trolls. Ça pourrait apporter peut-être un peu plus de respect si tu te caches pas sur un pseudo. Je trouve pas que c'est une bonne idée, hein, mais non, je peux voir l'un. De toute façon, le jour. Pensée, quoi. Oui, je peux comprendre aussi d'où est venue l'idée, mais celui qui parvient à me dire que c'est une bonne idée, permets-moi de te dire que c'est un con. Bah, je ne trouve. Désolé de ne pas trouver d'autres mots un peu plus. Mais c'est un con. Enfin. À la limite, pour. Pour les matchs officiels et tout ça, vu que c'est quand même un jeu qui rapporte de l'argent, c'est un jeu important au niveau du pro gaming. À la limite, je pourrais comprendre tout ça, mais pour les forums, mais pour voilà, les amateurs. Voilà, exactement. D'autant plus que, comme je te dis, Blizzard sait faire le lien, donc je comprends pas. Je ne comprends pas. À la base, c'était pour ça, hein, pour éviter les trolls. Ça, c'est sûr. Leur idée, c'était ça. Enfin, bon, donc maintenant, nous disions, donc ça fait plus d'une demi-heure cette fois-ci. On essaye de se maintenir quand même dans les temps, ce serait bien. Ouais, ce serait pas mal. Un numéro qui soit un petit peu pas plus trop long que ce qu'on avait testé avant. Exactement. Parce qu'on a quand même fait des enregistrements de plus de 3 heures. Vous entendez l'assoiffé derrière nous. Alors, Stetson, parle-nous de l'E3, dans ce sujet. L'E3. Ouais, donc. Alors, je te préviens. Donc l'E3, c'était il y a à peu près 3 semaines. C'est le grand événement du jeu vidéo de l'année. Si tu veux, je dis ça tout de suite, du 15 au 17 juin. Ouais, donc on va dire 3 semaines. T'as la réponse. On a quand même le 10 juillet, Stetson, donc 1, 2, 3, 4 semaines. Ouais, je m'en fous, 3, 4. 4 semaines, donc, d'après Courbette. Monsieur Kirby. Et donc, c'était un bon E3, c'était le premier E3 qui revenait un peu à l'E3 d'antan, qui était plus exceptionnel et événementiel. Au niveau de la taille de l'événement. Et oui, à ce niveau-là, oui, parce que. C'était plus ridicule comme l'année dernière et l'année d'avant. C'est vrai qu'il n'y a pas eu énormément d'annonces les dernières années, on était un peu resté sur notre fin sur les derniers E3. C'est vrai que celui-ci était plus. C'était un E3 plus. Où les studios faisaient leurs grosses annonces, où ils essayaient de mettre en place. C'est vrai que j'ai remarqué une chose depuis plusieurs années. Arrête-moi si je me trompe, mais j'avais l'impression que les studios, à l'E3, en gros, on savait déjà tout. Tout avait déjà filtré sur le net, il y avait déjà des annonces, ou c'était des reports. Il avait été reporté, donc il était dans une période où les jeux avaient dû être annoncés avant. Voilà. Et c'est les constructeurs les annonçaient à leur. Même si on savait déjà. Les grosses annonces des grands producteurs de jeux vidéo, on les connaissait. Wow. On savait PlayStation Move, on savait pour le projet Natal, qui s'appelait encore comme ça à ce moment-là, on savait pour la 3DS, mais on n'avait encore rien vu vraiment filtré ou rien. Là, on a vraiment eu une preview, une grande news à l'E3. Quoi. En effet. Et donc. Quelle jolie transition. En effet. Tu reconnais. Et donc. Tu me laisses parler, petit con? Vas-y. À bagarre. Quel est ton avis sur les. On va commencer à parler. Ce que j'adore, c'est qu'il me dit tu me laisses parler, mais il me pose une question. Ah oui, donc son but est que je parle. Tout à fait. Donc, commence par les. On s'en fout de ta question. Je t'emmerde. Ah, d'accord. commence par les conférences constructeurs et celles d'IA. Tu veux quoi? Tu veux mon avis sur, ouais, sur les conférences? On va commencer par les constructeurs déjà. Bah, étant donné que ce sont les trois conférences que j'ai vues, je n'ai pas vu les conférences des éditeurs, je n'ai vu que celles des constructeurs, mais je ne saurais pas parler que de ça. Mais bah, parle de ça déjà. On va commencer par Microsoft. Alors, non, je vais, si vous permettez, je préférerais commencer par, selon moi, la pire de toutes, la plus inintéressante. C'est Sony. Sony qui, pour moi, n'a rien annoncé de spectaculaire. Nous a juste bombardé de pseudo-prouesses technologiques. Nous a présenté sa Wiimote, son Godmiché à boule, comme je l'appelle. Je sais pas si chauffe, tu as déjà vu là. Non, mais c'est quoi, ça s'appelle comment? Le PS Move. Le PS Move. Tu peux faire une recherche Google, tu m'en diras des nouvelles. C'est une Wiimote avec une grosse boule colorée au bout. Donc, ah ouais? Godmiché à boule, en somme. On dirait la télécommande d'ouverture d'une. D'une? Un vaisseau spatial. Ou... Ouais, ben bah, exactement. Alors, je. Non, pour la manette, je peux y reconnaître une chose. Alors, effectivement. C'est moche, oui, ça on peut reconnaître. C'est moche, d'accord, voilà. C'est très précis. C'est vrai que les horribles boutons de PlayStation en plus. Je trouve que, effectivement, c'est indéniable, on peut pas contester, ils se sont inspirés de la Wiimote. Ouais. Ça, je suis désolé, personne ne peut contester ça. Sauf pour l'ampoule colorée au bout quand même. Hein. Effectivement. Par contre, je dois reconnaître une chose qu'on a vue à la conférence et que moi je trouve bien. Je vais pas aller jusqu'à génial, mais bien sur cette manette. C'est la boule, justement, qui permet de, une, d'avoir un meilleur système de détection de la position dans l'espace, parce que la Wiimote, il faut le savoir, ça détecte beaucoup le mouvement, mais la position dans l'espace, même si le Wii Motion Plus corrige un peu ça, c'est pas tout à c'est fait... C'est pas très précis par rapport au PS Move. Que le PS Move, la boule, c'est justement à bien détecter dans l'espace. Et alors, le petit gadget supplémentaire que j'ai trouvé bien, c'est le jeu qu'ils ont montré, Sorcerer. Ouais. La petite boule, en fait, je sais que chose va rire, mais change de couleur en fonction du sort que tu lances. Et il y a aussi... Et je trouve que ça apporte une interaction avec le jeu, si tu veux. Interaction, mais oui, c'est sans intérêt, ouais. Ah non, c'est pas sans intérêt. Non, tu as moyen... D'accord, sur un jeu comme ça, ça semble un petit peu Harry Potter au Pays des Merveilles, hop, je lance un sort, la boule, elle est bleue. Là, je comprends. Là, oui. Mais ça... Ça reste sympa, même. Ça permet d'imaginer des choses... qui peuvent être intéressantes, je trouve. Mais même déjà, dans les jeux de sorciers, c'est intéressant. Ah oui, non, moi je trouve ça... Non, mais moi je trouve ça sympa, mais je comprends qu'on puisse, comme chauve, trouver ça un peu inintéressant. Mais en plus, j'ai vu après dans une autre vidéo où le PS Move change de couleur, et quand il est de la bonne couleur, genre il passe de vert à rouge, tu es en train de boire une potion, et quand il passe à la bonne couleur, tu fais le mouvement pour boire, et tu bois ta potion. Et tu dois le faire quand la couleur est sympa. Alors, par contre, j'ai une question... Parce qu'il y a une réflexion qui m'est venue à l'esprit là maintenant, c'est une réflexion fulgurante. Attention. Sony nous a présenté. Messieurs, c'est un grand moment. Sony nous a présenté deux choses à sa conférence que moi je retiens vraiment au niveau matériel, je parle ici. Sony a présenté deux choses. Le PS Move, on vient d'expliquer. Et également le fait que sa console pourra fonctionner en 3D. D'ailleurs, tout le public a reçu des lunettes 3D avant la conférence pour pouvoir voir les jeux et. Donc, enfin, le début, après, ils ont dû les enlever. Oui, d'accord, mais, ça, c'est... Ouais, ouais. Mais c'est vraiment les deux choses qui ont été annoncées. Ouais, j'ai lu et entendu beaucoup de personnes qui parlaient de ce qu'on pouvait faire avec ça et que ce serait génial de pouvoir combiner un jeu avec le PS Move et la 3D au niveau de l'interaction. C'est logique, puisque en même temps tu fais le mouvement, en même temps tu vois les images en relief dans ton salon. C'est vraiment, voilà, c'est être dans le jeu. Ouais. Le problème, la question que je me pose donc, comment, avec les lunettes sur le visage, peux-tu parvenir à voir correctement justement le PlayStation Move et sa couleur? Je sais que la question peut être stupide, je n'y avais jamais réfléchi, mais imagine, tu dois boire la potion, on t'a dit que tu dois boire la potion quand le PS Move est bleu. Mm-hmm. Tu as des lunettes polarisantes sur le nez. Comment tu fais pour voir quand c'est bleu? Dans la merde. Je pense pas que tu vois pas ta potion. Il n'y a pas de jeu qui profite de la couleur, mais ouais, dans le futur, il faut voir. Alors par contre, encore une dernière chose, après je te laisse la parole. Non, mais... Excuse-moi, je troll à ma manière. C'est bien beau tout ça, mais imagine un peu le prix, parce que c'est ça aussi chez Sony, je trouve. C'est bien beau de parler de qualité, de parler de technologie. Mais si on fait un petit calcul, j'ai pas les prix en tête du tout, mais c'est un exemple. Tu dois acheter ta PlayStation 3 qui coûte 300€. Ouais, pour une Slim, je crois. 300€ la PS3. Tu dois acheter pour fonctionner avec le PS Move. Tu dois acheter la manette et son espèce de nunchuk. Tu dois acheter l'espèce d'iToy qui sert à détecter. Ouais, enfin, il y a un kit, mais bon. Je crois que le kit plus Oui, d'accord. PS5 plus PS5, ils ont sûrement le vendre en kit, mais bon, ça fait encore 100 euros déjà. Tu dois acheter, si tu veux donc profiter de l'expérience 3D, tu dois avoir une télévision 3D, ce qui n'est pas non plus donné. Bon, là, on passe dans un autre budget, de toute façon. Et tu dois acheter des lunettes 3D, qui sont des lunettes actives, qui coûtent quand même aux alentours de une centaine d'euros la paire. Ouais, 150, je crois. Un truc comme ça. Donc, imagine, tu veux jouer chez toi, en famille, à 4 sur un jeu bénéficiant de la 3D et du PS Move. Je te laisse imaginer la facture. Bah, faut être riche. Mais bon, donc, la 3D, mais, c'est différent. Non, c'est... mais d'accord, mais je veux juste en venir par là que... C'est Sony. Pour le moment, on avait Nintendo qui était pour les casuals. On avait Sony et Microsoft qui étaient vraiment pour les gamers. Et Sony qui accentuait le côté vraiment à l'extrême en proposant une console vraiment puissante, du Blu-ray, maintenant de la 3D. Et maintenant, ils veulent s'attaquer au monde du casual et du familial. Le problème, justement, je trouve, c'est ça. Ça va être un frein énorme. Le bon père de famille qui a envie de pouvoir s'amuser avec sa console en profitant de bons jeux et en même temps de permettre à madame et aux enfants de jouer. Je ne pense pas qu'il s'orientera vers Sony. Honnêtement. Je pense que Microsoft a beaucoup plus de chances de ce côté-là de... Après, c'est mon avis. De toute façon, on va, je retire la 3D parce que c'est pas réaliste de, vu qu'une TV 3D coûte super cher. J'ai poussé à l'extrême. Tu me comprends? Mais juste le PS Move, en lui-même, il y a des jeux où il te faut deux PS Move, donc pas juste le Nunchuk plus le PS Move. Dans ce cas-là, je crois que c'est 60 dollars, ou ce sera sûrement 60 euros. En même temps, c'est vrai que, voilà, une Wiimote, tu payes ça 40 euros, donc. Oui, non, c'est voilà, pas moins cher, c'est un petit peu. C'est normal, non, mais je veux dire, justement, c'est normal d'avoir des prix comme ça, mais c'est vrai que le tout combiné, si on fait vraiment le. Ouais, si tu veux jouer même juste à deux, ça devient beaucoup plus cher que Kinect, qui est critiqué pour son prix. Qui est déjà critiqué. Enfin, pour si c'est le prix qu'ils mettent, qui est final, mais on n'est pas sûr encore. Enfin, à part ça, sur Sony, tu as encore sur des Sony, choses... Sur Sony, la conférence était... Elle était chiante, à part le comédien. Chiante, il n'y a pas d'autre mot. Elle n'avait aucun rythme. Il n'y avait pas de jeu très intéressant. Il y avait encore la fameuse annonce du prochain Gran Turismo qui est annoncé depuis quelques E3 maintenant. 10 ans. On l'attend quand même depuis la PlayStation 2, non? Ouais, ben, si bon, elle est, bon. En principe, il a l'air de vraiment vouloir sortir cette fois-ci, mais il faudra voir. Ah, autre annonce, encore, pour rester dans les histoires d'argent, le PSN Plus. Ouais. Bon, pas, je n'ai pas vu grand monde convaincu par ça. Non, moi, ça ne me gros, choque pas tellement. Ça ne me choque pas, non, au principe, c'est logique. Tu veux lui expliquer ce que c'est? Tu peux lui expliquer si tu veux. Expliquez-moi. Donc le PSN, tu sais ce que c'est? Non. Ok. Donc sur toutes les consoles Next Gen, enfin à part la Wii qui est un petit peu retardée, qui a mis du temps à avoir ça. La Wii n'a pas encore vraiment comment? Il y a pas un network très développé. Il y a deux choses. Il y a les boutiques. La boutique qui existe depuis un certain temps, tu peux acheter des jeux pour la Virtual Console, des jeux lisses. Moi j'adore parce que c'est mon trip, mais ça reste une question de goût et c'est cher. Et tu as le WiiWare, effectivement, où tu peux jouer en ligne et télécharger des jeux inédits exprès pour le WiiWare, mais ce n'est pas encore du niveau... C'est très loin du niveau d'un Xbox Live ou d'un PSN. Voilà. Donc le PSN, comme l'Xbox Live, c'est le réseau des consoles. PSN pour la PS3, où tu peux acheter tes jeux, avoir tes amis... Télécharger des démos. Ouais, télécharger des démos, des vidéos. Moi, je joue tout seul, c'est tout. Voilà. Et donc, jusqu'à présent, il était gratuit. C'était gratuit. Il est toujours gratuit. Donc, au contraire du Xbox Live, où si tu veux jouer en multi, tu dois payer. Ah, bah, c'est probablement pour ça que j'ai jamais été, en fait. Sûrement même. Je parlerai du Xbox Live après. Mais donc, le PSN était gratuit et il a toujours été en retard par rapport au live. Par exemple, tu pouvais pas inviter un ami pour discuter pendant que tu joues, que vous jouiez à deux jeux différents, or que ça a toujours été sur le live depuis le début. Ouais, par exemple, faut dire aussi que Sony, à cause du live, vu que c'était gratuit, perdait quand même de l'argent. Parce que Microsoft, là-dessus, il en gagne. Sony, il doit fournir un service internet, ça coûte quand même de l'argent. Et, Sony, ils ont toujours été en retard sur le online par rapport à Microsoft. Si Microsoft n'avait pas fait le live, il n'y aurait pas d'online maintenant. Pour le reconnaître, oui. Mais donc, pour être sur le même marché que Microsoft et faire quelque chose payant, ils laissent la version gratuite et tu pourras toujours jouer en multi. Mais si tu achètes le PSN Plus, enfin, c'est un abonnement quoi, qui coûte 50-60 euros par an. Donc c'est 50 par an, oui. Ils te donneront accès à... Ils te donneront des jeux. Enfin, donneront, entre guillemets. chaque mois, et ils te donneront accès à des bêtas et des trucs comme ça plus facilement. Et donc, je sais plus, je crois que c'est un jeu par mois, non, ou bien deux. Tu peux avoir. Attends, je vais te le lire tout de suite, comme ça on a la bonne info. Et donc, en plus des jeux, ils font des promos aussi. Bah en fait, voilà, tu as des DLC et des contenus exclusifs pour certains jeux. Donc, les DLC, tu vois ce que c'est. C'est un downloadable content. Donc, c'est un ajout sur le jeu. Assisted Son. Oui, c'est une sorte d'ajout sur le jeu. Par exemple, des fins alternatives, il y a plusieurs jeux qui exploitent ça. D'ailleurs, ils veulent en faire un assez mauvais usage, mais ce sera un autre débat. Mais à mon avis, les DLC qui seront exclusifs, ce sera plutôt genre une armure ou bien oui, voilà. Des vêtements. Mais la plupart du temps, les DLC, c'est fait pour avoir par exemple, une fin alternative au jeu, tu vois. Ou bien du contenu en genre, plus. Genre, tu termines le jeu, t'as qu'une seule fin, et si tu veux avoir toutes les fins exploitables, tu dois payer ton DLC, par exemple. Ouais, plusieurs éditeurs ont eu ce genre d'idée. Il y a des jeux gratuits téléchargeables chaque mois, donc des. Un accès plutôt aux démos et aux bêta des jeux, pardon. Un auto-patching qui détectera télécharger et installer les mises à jour automatiquement. Ah oui, tu pourras aussi faire tes mises à jour pendant que la console dort. Ouais, voilà. Comme sur Xbox. Et les démos, l'accès aux démos complètes. Donc tu auras en fait, quand un jeu sort, tu auras droit à une heure, c'est ça ? Je crois. Ah. À une heure où tu pourras télécharger le jeu et jouer à la version complète pour l'essayer. Avant de éventuellement l'acheter. Quoi. Donc c'est bien pour te faire un avis, effectivement. Et les jeux qui donnaient ce mois-ci étaient intéressants. Il y avait Wipeout. Et c'est 49 € de mensuel ou 18 annuel ou 18 € tous les 3 mois. Parce que mensuel, c'est un peu cher. Oui, excuse-moi. 49 € mensuel ou 18 € tous les 3 mois. 49 € annuel. Oh, c'est des bons. Vous m'avez compris. Oui, mais le vocabulaire, ça n'a jamais été trop fort. Mais les jeux qui donnent ce mois-ci étaient intéressants. J'ai même failli le prendre parce qu'il y avait Wipeout. Ouais, recevons Wipeout HD, une démo de Infamous, Field Runner, Edge of Zombie, Rallycross. Et j'ai pas Little Big Planet dans la liste par contre. Si, le jeu complet c'est Little Big Planet. Et une grande variété de thèmes et d'avatars. Super. Hein. Mais bon, le problème c'est que quand tu t'abonnes plus, c'est un peu comme le Zune Marketplace. Si, dès que tu arrêtes l'abonnement, ils te reprennent les jeux. Par contre, si tu te réabonnes, ils te les rendront. Donc, c'est un accès uniquement quand tu es abonné. Ouais, donc, bon. Moi, pas convaincu, personnellement. J'aurais la PS3, je ne pense pas que je prendrais le PlayStation Plus. Network Plus. Si la PS3 était ma console principale, je le ferais sûrement, mais vu que j'utilise ma Xbox principalement. Donc, nous allons justement briller, pour ne pas prendre trop de temps, sur la conférence Microsoft, qui est déjà un cran au-dessus, selon moi. Bah, y a plein de gens qui la trouvaient mauvaise et qui la trouvaient très casual, mais moi j'ai bien aimé. Moi je trouvais sympa. C'est vrai que très casual, ça il faut quand même le reconnaître. Ouais, ouais. Mais c'est normal, ils ont lancé le Kinect. Projet Natal, alias Kinect maintenant. D'ailleurs, Natal était super comme nom. Et Kinect est ridicule. Natal, ça voulait rien dire, mais ça avait un bon son. Kinect, ça fait un peu Kinect. Ben, c'est pour un mélange de Connect et de Kinetic en fait. Oh, super. Voilà, c'est le. Ben, faut dire, j'avais un débat avec un connaissance sur Internet très récemment. On parlait des noms des consoles et on se faisait la réflexion que la plupart du temps, les noms, quand c'est annoncé, quand c'est encore un projet, les noms sont sympas. Ouais. Et une fois que ça sort, ils te trouvent des noms. La Wii, par exemple, c'était beaucoup mieux avant. Voilà, c'était quoi, Nintendo Revolution. Ouais. Nintendo Revolution. Ouais. La Rêve, et puis c'est devenu Wii. Revo. La GameCube, c'était la Dolphin, par exemple. Ouais, je me rappelle. Xbox, ouais, ça va. Je ne suis pas. Là, par exemple, ben voilà, Natal, projet Natal, je trouvais ça encore sympa. Ça ne signifiait pas quelque chose de particulier, mais moi, ça m'aime tout. Kinect. Bon. Kinect, c'était vrai que ça craint. Voilà. Donc, en gros, ben, Chauve, tu as vu le Kinect lors de notre passage à la Comic-Con. Ouais. Tu as vu de quoi il s'agissait. Mm-hmm. En plus, vous l'avez vu tourner sur un des meilleurs jeux du salon. Oui, parce que Stetson est fan du jeu de danse qui est prévu sur Kinect. Il devrait le savoir. Il faut que tu saches. Il faut que le monde entier sache. Stetson est une tapette. Stetson est fan de jeux de danse. Un jeu qui a eu plein d'awards sur Kotaku, hein, donc c'est pas juste un jeu casual. Oui, mais non. Mais, ah bah si. Fitness Spears aussi, il a eu plein d'awards. Stetson, si tu veux, on fait une pause sur le podcast. J'ai un tapis de danse là-bas sur la Wii. Avec les Wiimotes, tu peux agiter les mains en même temps. Et moi, je me démerde dans ce putain de jeu de danse. Bon, donc Kinect, bon, c'était déjà un cran au-dessus de celle de Sony. Et je suis déjà un peu plus intéressé par le produit personnellement. Parce que, bon, il faut voir si ça fonctionne réellement comme bien, si ça fonctionne correctement. Moi, de mais... plus en l'idée de pas en être intéressé de Kinect, de ce qu'ils ont montré, mais dans l'idée, j'ai été intéressé. Bah, l'idée, oui, faut... si ça fonctionne bien, je trouve que ça peut être une bonne chose. En gros, l'appareil détecte ton corps, enfin, des points de ton corps. Mon corps. Mais bon, il y a des défauts parce que j'ai entendu, par exemple, je crois que c'est dans l'émission de GameCube que j'ai entendu ça ou quelque chose comme ça. Ils l'ont testé. Le problème, par exemple, c'est que ça ne détecte pas tes mains. Ça détecte ouais, ça un détecte point au niveau du poignet. Donc ça ne détecte pas ta main. Est-ce que ça détecte ta bite? Donc tu dois faire le. Tu essayeras. Tu essayeras quand je l'aurai acheté. Mais donc, voilà, je trouve le concept bien. Maintenant, il faut voir. Il y a voir... le problème que tu ne peux pas jouer assis. Je trouve que c'est quand même problématique sur certains jeux. Et je me faisais la réflexion l'autre fois. Voilà, en gros, Microsoft sort un produit qui n'est pas accessible aux personnes handicapées. Bon, tu es handicapé, tu ne peux pas jouer à leurs jeux vidéo. Ce qui est tout à fait normal. Ce qui est tout à fait normal, bien entendu. Handicapé, c'est le mal. Voilà, merci, Chauve. Si t'es aveugle, tu peux pas jouer non plus. C'est aveugle, c'est encore d'accord, pire. D'accord, mais les gens en chaise roulante pouvaient quand même jouer, ils peuvent jouer à la Wii. Ils sont jouer. Pas obligés de jouer à Kinect. Les gens en chaise roulante, ils peuvent jouer à se jeter sous un train. Voilà, à quoi je veux. Bon, bah, non, mais ça change pas l'île d'iTunes avec lui quand on mettra un podcast dessus. Ça, franchement, ça me dérange pas, quoi. C'est, non, non, c'est mais bon, ça. Voilà. On est un peu. Et puis, j'espère qu'ils arriveront à ce que tu puisses jouer assis. Mais je suppose qu'avec des mises à jour ou autre, c'est quand même faisable. Au final, c'est qu'une caméra qui prend des points, donc en changeant au niveau software, il devrait arriver. Il y a moyen de faire quelque chose. Et donc, mais par contre, conférence Microsoft, la conférence en elle-même, parce que c'est à quoi on parle, était bien. Mais je suis désolé, mais pour ma part, les jeux annoncés. Ouais, non, mais elle était moyenne, la conférence Microsoft. Alors pour résumer, comme ça, nous allons entendre le rire de Chauve. Nous avons eu droit à Pac-Man dans un film. Non, c'est un film. À Wii Sport version Kinect. Qui a l'air vraiment mauvais. Qui a l'air très mauvais, effectivement. Le jeu de danse, donc c'est excellent. Non, oui, mais, non, mais sérieusement. Rien qu'à avoir les glandules. Je suis désolé, on l'a vu, juste pour en passant, on l'a vu en réel, nous, Chauve et moi, à Comic-Con. Je suis pas convaincu. De la manière tournée en réel, je suis loin d'être convaincu. Franchement. C'est le premier jeu de danse. La Wiimote, tu peux rester comme ça et ça. C'est le premier jeu de danse où tu dois faire le mouvement au complet. Mais après ça, nous avons vu, pour la petite histoire, la petite anecdote, un petit chinois, du plus bel effet, qui a retiré la chemise avant d'entamer la séance de danse. Celui-là, il était bon. Oui, c'était une star. Non, franchement, ça n'avait pas l'air d'être. Mais tout à fait au point. Voilà, il y était à fond et je suis désolé. Mais dans les salons, pas... c'est jamais idéal parce que c'est fort allumé, il y a plein de spots. Il y a plein de gens derrière aussi. De gens, donc la caméra doit détecter plein de gens. Parce que je crois qu'il y a une limite au nombre de personnes. Ouais, deux personnes qui jouent et quatre personnes dans le fond. En arrière-plan, oui. Donc c'est vrai que dans le salon, oui. Je peux reconnaître. Déjà, on était deux et comme Nicky en vaut deux en largeur. Non, mais il y avait énormément de gens quand même. Ouais, c'est vrai qu'il y a du monde. Donc, mais les salons, c'est toujours plus difficile, tous ces jeux-là. C'est comme, on passe sur la conférence Nintendo, mais il n'arrivait pas à faire tourner Zelda, quoi. Par contre, le fait de zapper dans les menus à la main, même là-bas, c'était... Ouais, ça galérait, quoi. Ouais. Bon. En plus, on est passé de faire ça, oui, évidemment, pour un podcast. Je ne vois pas son geste, Stetson. On est passé de faire un mouvement du bras fluide, à devoir garder sa main... jusqu'à ce que le pointeur s'affiche sur l'écran. Et encore une chose aussi, j'aurais jugé moins intéressant de devoir juste taper sur un point pour pouvoir valider une option. Là, la personne est obligée de mettre la main en l'air et d'agiter la main. Non, d'agiter. Ah, oui. Alors, ils ont dû agiter la main, mais le problème, c'est quand tu fais ce mouvement-là, si tu le fais un peu en arrondi ou un peu en bougeant, la console détecte un changement de menu, t'es dans un autre menu, tu mets la main en l'air, pouf, il valide. Rien pour sélectionner. Non, mais le software a l'air pas à niveau... Mais non, bon, voilà, c'est ça, c'est la mise à jour, et voilà. Alors oui, le jeu que j'ai trouvé, moi, le jeu ultime, c'est le jeu de la gamine avec le tigre, là. L'espèce de Nintendox version ouais. Kinect. C'est en gros, Nintendox, tu vois ce que c'est? Ouais. Sur c'est plutôt que Nintendo DS. T'as un animal, tu peux le caresser. Oui, voilà, iPad. Mais il ne connaît peut-être pas iPad. Ah si, vraiment. T'as un animal, tu peux jouer avec, le caresser, tout ça. Ouais. Le principe du jeu, c'est que t'as un petit tigre. Et on voyait sur la conférence une gamine qui jouait avec son tigre. Moi j'achète un chat quoi. Non, t'as pas le droit d'avoir des chats, il y a que des tigres, des lions, des trucs. Mais non, je parle d'un vrai chat. Non, il parle d'un vrai. Mais donc, tu peux te mettre devant la caméra et mettre tes mains un peu en avant comme si tu frottais ton chien ou ton chien dans le vide. Est-ce qu'il y a une simulation de masturbation cette Non, à mon avis, il faudra attendre que les Japonais le fassent. Ça ne m'étonne pas qu'un jour, franchement, je serais vraiment pas étonné qu'un jour il y ait un pirate de la console et qu'il nous sorte un petit homebrew, un petit. un petit programme là dans un des sites pirates avec un simulateur de Master. Ça m'étonnerait pas non plus. D'ailleurs, ça m'étonne que pour la Wii ça n'existe pas encore. Ouais. Mais donc. C'est trop brusque comme mot. Bref, j'ai oublié. Qu'est-ce que j'ai oublié? Il y a un autre jeu qui est excellent et que même toi tu l'aimerais bien. Je ne sais plus ce que j'ai oublié. Mais il n'était pas montré à la conférence Microsoft, il a été montré à la conférence Ubi et c'est Child of Eden. Je ne me souviens pas. Tu vois Rez? Oui, sur Dreamcast, bien entendu. Ouais, bah c'est le même développeur. Génial. Et c'est un peu le même genre oui, de choses. Oui, si, j'ai entendu parler, oui. J'ai entendu parler dans un podcast, oui. Et donc, il sortira sous Kinect et il sortira aussi sur les autres consoles. Mais sous Kinect, tu bouges tes mains pour faire. Ça avait l'air vraiment sympa. Autrement d'un doute, là. Parce que à la conférence Microsoft, il n'y avait pas que 3 jeux annoncés sur Kinect. Il y en a probablement eu. Il y a eu le jeu de yoga d'Ubisoft qui était pas mal où... Elle enlève son... Le jeu de yoga, oui. De yoga. Hein? Un Wii Fit, quoi. Ouais, un Wii Fit, mais mieux fait. Oui, Wii Fit, oui, Fit, le problème, c'est qu'il prend jamais ton corps, donc il peut pas savoir si tu fais bien ou pas. Ouais, mais bon, Wii Fit a quand même l'avantage d'avoir la balance board, qui, je suis désolé, est très pratique pour te peser, pour vérifier ton équilibre, pour faire ce que Kinect ne saura pas faire. Ouais, mais Kinect, en échange, il sait voir tes articulations. Mais le truc impressionnant de cette conférence-là, c'est qu'elle retirait son sweatshirt et Kinect le prenait. Ah, le petit pervers. C'est le ça petit qui t'intéresse. Tu l'as vu ou pas? Petit pervers. Oui, je l'ai vu. Et donc, Anouk, c'était impressionnant, ça. Elle retire son... Non, parce qu'elle avait quelque chose en dessous, de toute façon, mais elle retirait sa veste et elle l'a jetée. C'est ça, c'est tout ce qu'il espère de Kinect, en fait. Une femme à poil. Non. Une simulation de femme à poil. Un peu sérieux? Anouk, c'était impressionnant, ça. Stetson, il va nous programmer une simulation de... Le masturbateur. Non, une simulation de levrette. Tu verras Stetson dans son salon, seul devant sa console, en train de faire un mouvement de va-et-vient d'avant en arrière. Ah, donc, un peu de sérieux, t'as le mec, c'était impressionnant ou pas? Non, levrette, oui. Très honnêtement, bof. Donc, le fait que sa veste soit digitalisée et que quand elle la retire, ça se montre très, dans le jeu. Ben, très honnêtement... Ça reste du domaine pour moi bien, du domaine de la boule du PlayStation Move qui change de couleur. C'est dans le même aspect gadget pour moi. Ouais, c'est un gadget, mais c'est donc super c'est bien, mais ça, voilà, ça reste dans l'optique de ce qu'est Kinect. Donc voilà. Personnellement, je ne sais pas si tu as autre chose à dire sur Kinect. Microsoft. Sur Microsoft, non, il y a. Si, si, à la fin, ils nous ont sorti la nouvelle Xbox qui non, est. Non, personne ne savait justement. Tu ris ou quoi? Ah non, personne savait que personne l'avait vu avant. Non, la console, mais tout le monde savait qu'il allait avoir une nouvelle Xbox. Il pensait, comme tout le monde pensait qu'il allait y avoir une Wii HD. Ça fait 2 ans que les gens disent qu'il va y avoir une Wii HD. La Wii HD, non, ça non, j'ai pas cru, mais la Xbox, je savais qu'elle allait sortir. Attends. Si, la Xbox, si. Mais bon, pour résumer, la Xbox, elle est moche. Ah non, moi je trouve pas qu'elle est moche. On dirait un PC Alien Noir, quoi. Elle est très bien pour le marché. Elle est moche. Non. Chauve, si tu veux taper ça dans Google, c'est, tu verras, c'est très angulaire. C'est comme un PC Alienware. On peut aimer. Le seul avantage... Là, je tombe sur plein de trucs, là. Ah oui, attends, c'est ça? Tu mets une New Xbox 360, tu l'as sûrement trouvé. Bah, évidemment, on peut pas avoir l'image. La seule chose, c'est que l'avantage, c'est qu'elle bénéficiera du port pour Kinect. Ouais, ça sur les anciennes ça, consoles, ça ridicule, par contre. Bah, sur les anciennes consoles, tu dois l'alimenter en électricité. Et celle-là aussi, tu devrais l'alimenter. Là, j'ai une Xbox 360 console, portable. Pas Kinect. Ouais, mais bon, au pire. Une Xbox 360 portable qui ressemble à un PC portable. Mais E3, New Xbox 360, okay. Et tu l'auras. Ça change rien d'avoir une prise d'alim en plus. Bah non, j'ai 30 000 trucs, mais... Faut-tu les trouver. Enfin voilà, mais bref. Ça, moi personnellement, je l'attendais. Très honnêtement, c'est... Ben, pourtant, ils ont gardé très bien le secret. Ça n'a pas du tout leak... Tu l'attendais dans le sens où c'était prévisible qu'ils en sortent une à un moment ou un autre, mais... Ouais, peut-être. Mais bon. J'avais lu ça sur tellement de sites que je m'étais fait à l'idée et que j'ai pas été surpris de l'avoir, en fait. Plein de journalistes ont été surpris, donc. C'est que ils ont bien joué leur coup. Ouais, non, je sais pas qu'ils l'ont mal joué. D'ailleurs, ils nous l'ont même caché sous la coque d'une console d'une Xbox ancienne génération pendant toute la conférence. Donc, ça a été la surprise de fin. Ils ont soulevé le capot et oh, une nouvelle Xbox en dessous. D'ailleurs, petit aparté, j'ai entendu une réflexion cette semaine sur le problème de l'iPhone 4 là, où ils expliquaient qu'en fait les ingénieurs d'Apple s'ils n'ont pas su trouver qu'il y avait ce problème, c'est simplement parce qu'ils testaient l'iPhone en conditions réelles toujours avec une coque d'iPhone 3GS au dessus. Pour pas que les gens pour le pas, voient. Ouais, mais bon, ça c'est... C'est une bêtise, hein, c'est ouais. Pour... Bah, c'est réaliste que la plupart des tests ont dû être faits avec des coques, mais ils en ont quand même fait 100, j'espère pour eux. J'espère pour eux, parce que vu le prix où ils sont sûrement payés, les ingénieurs d'Apple, pour concevoir ce genre donc de tu produit. As trouvé l'Xbox? Non, non. Pas grave. C'est vrai que quand on tape New Xbox 360, il faut reconnaître qu'elle... dans Google, tu as un tas de choses, mais... Enfin, bon, elle est beaucoup plus anguleuse et elle est noire. Mais franchement, j'ai pas vu. J'ai pas vu une télé. Bref, quand je la si trouve, je te la montre. Xbox Slim, déjà, ça devrait aller. Ouais, donc, que... Ah ben voilà, je l'ai. Je l'ai, chauve. Donc bref, voilà, Xbox un peu... Microsoft, pardon, un peu plus intéressant. Ouais, je vois maintenant. Surtout l'idée de ce que Kinect est possible de faire, qui est intéressante, pas vraiment Kinect en lui-même. Mm-hmm. Ouais, non, Kinect en lui-même... Bref, le but, c'est quand même de trouver de nouvelles applications. Ce que j'espère, personnellement, c'est qu'ils vont pas tomber dans les travers de la Wii... Ou parce que Nintendo sort un jeu genre Wii Sport qui fonctionne, tout le monde va sortir des petits jeux de sport en tout genre, des accessoires de sport. Des... La Wii, en gros, t'as plein de jeux, mais c'est tous les mêmes. Ils font tous du fitness, de la danse ou du sport. Et il y en a qu'un ou deux qui le font bien. Donc. Voilà, il y a que ceux de Nintendo et un ou deux en dehors qui s'en sortent. Donc c'est ça que j'espère, c'est que... Parce que la Wii, tu pouvais espérer d'autres applications quand même. Il y avait plein de bonnes choses à faire avec ça. Et Kinect et Kinect et PlayStation Move, c'est la même chose. Je trouve qu'il y a, il y a plein de possibilités, voilà. Faut voir ce qu'ils en font. Après, Child of Eden, par exemple, c'est super intéressant pour les gamers déjà maintenant. Et Danse Centrale, je maintiens que. Setson veut danser, veut bouger. Setson veut bouger son body sur le Kinect. Comment tu veux bouger ton corps? J'ai pas dit spécialement pour moi. Bah alors t'en as rien à foutre. Mais je trouve que c'est super bien. Soit c'est pour toi, soit t'en as rien à foutre. Non, je trouve que le concept est super bien et que c'est le premier. N'oublie pas que Stetson est états-unien, donc il danse à l'américaine. C'est le premier vrai jeu de danse intéressant. Et vu comment les jeux de danse. Chauve est en train de nous faire quelques pas de danse. Merci Chauve. Vu comme les jeux de danse marchent super bien sur la Wii alors qu'il n'y a aucun intérêt. Oui, oui, non, de toute façon, j'ai jamais trouvé. C'est toi qui n'as aucun intérêt. J'ai un jeu de danse ici avec un tapis, je le reconnais, et c'est fun de temps en temps de se prendre un délire là-dessus. Surtout quand on est sous. Surtout quand on est sous, merci Chauve. C'est le mot. Alors, maintenant, pour moi, la conférence la plus intéressante, la meilleure conférence de tout le 3. C'est le moment où j'ai montré ma bite au public. Presque. Ah, c'était pas mal, surtout en 3D avec les lunettes. C'est la conférence Nintendo. Je vois Stetson Natamu que tu n'as pas l'air convaincu. Non, bah elle était... Stetson, il est convaincu par rien, t'as pas encore compris. Elle n'était pas trop mauvaise. Alors, la conférence en elle-même, faut reconnaître qu'elle était bien, qu'ils se sont mis en scène et qu'ils n'ont pas hésité à passer les jeux. Ça, il faut le reconnaître. Ils ont ressorti les vieilles licences, par contre, toucher sur GoldenEye alors qu'on dirait qu'il a 10 ans. Tu vas trop loin. D'abord, la conférence, s'il te plaît. Tu dois quand même reconnaître... La conférence, c'était la conférence la plus comique du lot. La plus jouée, la plus... Shigeru Miyamoto a joué le jeu, le président Nintendo of America, dont j'ai oublié le nom, a joué le jeu. Et j'ai fait ça. Merci. Monsieur Pognon. A joué le jeu. Non, je trouvais vraiment que c'était une conférence pleine de vie, vraiment bien rythmée, bien mise en scène. Ouais, non, où tu les voyais apparaître à l'écran, puis c'était tu les voyais apparaître en réalité. Je veux bien t'accorder avec que c'était du maquillage. Ils ont vraiment essayé de s'investir et de mettre le paquet, je trouve. Après, l'autre débat... C'est les jeux et les annonces. Bah, les jeux, il y en a eu pas mal de sympas, genre Donkey Kong qui revient. Alors, en gros, c'est un gros revival des vieilles licences. Ils ont ressorti toutes les vieilles Ils vont nous sortir Donkey Kong qui revient sur Wii. Qui a l'air bien. Ouais, qui est un personnage que plus personne n'attendait, Kid Icarus. Dont le dernier jeu date quand même de la Nintendo NES. Il est dans Super Smash Bros. Brawl, c'est celui avec les ailes d'ange. Et il est dans le dessin animé Captain N, dont tu te souviens certainement. Non, certainement pas, surtout. Avec son arc à flèche et ses ailes d'ange. Donc ils nous l'ont quand même ressorti. Mais ça date de la NES. Le dernier jeu date quand même de la NES. Je me rappelle pas, moi, de ce mec-là. Et donc ils nous ressortent ça des placards pour la 3DS. Ils nous ressortent un jeu Kirby. Qui a l'air sympa, quand même. Qui a l'air très sympathique. Un peu, mais toujours comme l'univers de Kirby. Très rose et très... Ouais, mais il avait l'air... Non, Kirby, un jeu sur DS. Il est sorti, qui était très bien, d'ailleurs. J'ai adoré y jouer. Ils nous ont sorti, donc ils comptent sur la Wii, ça on l'a dit. Il y a Epic Mickey. Epic Mickey, mais ça c'est pas un revival, mais. Non, mais bon. Epic Mickey. Ouais, mais. Attends, attends, le côté... tu rigoles, mais Epic Mickey promet d'être un jeu génial. Les côtés, quand c'est en 2D, c'était sublime, quoi. Ça me rappelle, je sais pas si un de vous se souvient de Mickey Mania sur Super NES. Non. Non. Qui était un jeu génial. Je l'ai ici d'ailleurs, faudrait que vous y jouiez un jour. Où en gros, tu refaisais, tu retraçais toute l'histoire de Mickey à travers des niveaux. Tu commençais dans Steamboat Willie, où t'avais en 3D le bateau avec, et donc t'étais en, non, en 3D, moi. En noir et blanc, excuse-moi. Le bateau du premier. Oui, pas en 3D. Du premier cartoon de Mickey, même si c'est pas le premier réalisé, c'est le premier sorti. Ça, c'est un autre débat. Et donc, tu parcourais ça, puis ensuite, tu enchaînais. Et au fur et à mesure, tu avançais de plus en plus. C'était de plus en plus beau, de plus en plus coloré. Et ça avançait dans les cartoons Mickey qui ont existé tout au long. Et le jeu était d'une dureté sans égale, mais génial. C'était super beau, super bien fait. Et. Epic Mickey ressort ce côté-là parce que je sais pas si le côté moderne qui... d'Epic Mickey, il a l'air moyen. Mais par contre, le côté quand c'est en 2D voilà. Et en noir et blanc, c'est comme Mickey Mania, c'est en noir et blanc avec Steamboat Willie et autres. Et alors le truc, moi, que j'ai adoré, c'est les attaques avec les couleurs, avec la peinture. Ouais, ça, j'ai moins aimé. Attaquer. Ah si, moi j'ai trouvé ça très bien pensé justement. Bah, moi, c'est moins le côté qui m'a attiré, plus le côté 2D qui m'a et attiré. Alors le design du jeu, c'est ouais, ça promet super. D'être vraiment. Il faut voir si la jouabilité suivra, mais si ça suit, ça promet d'être un très bon jeu. Donc, mais ça c'était pas un revival d'une vieille licence, non, c'est tout nouveau. Mais il y avait encore GoldenEye, comme tu l'as dit. Mais GoldenEye, j'ai plus de problèmes. Déjà. J'ai plus de problèmes aussi, parce que GoldenEye, j'ai tellement apprécié, ouais, j'ai moi tellement aussi, aimé j'ai adoré, c'est un excellent la version FPS. Nintendo 64, que j'ai peur de ce qu'ils vont nous faire. D'autant plus, bon, ça c'est pour moi, mais... C'est avec les mêmes niveaux, tout est pareil. Ouais, hein. C'est juste Daniel Craig. Voilà, ça c'est pour moi, mais c'est le truc qui, personnellement, va me faire détester ce jeu. Pourquoi avoir mis Daniel Craig dans GoldenEye? Parce que c'est lié avec les films et tout le marketing autour. D'accord, mais non. Faut bien un point d'accroche, quoi. D'accord, mais non. Oui, d'accord, mais... C'est le truc qui va me rebuter d'acheter le jeu. Ça semble bête, mais GoldenEye, c'est Pierce Brosnan. Je suis désolé. Moi, ça, j'en ai un peu rien à foutre qu'ils aient mis Daniel Craig. Par contre, que les graphismes, on dirait que c'est une N64, ça me gêne un peu plus. Oui, mais c'est un remake. En temps, c'est un remake de la version 64. Quoi, t'es obligé de garder les graphismes quand tu fais un remake? Non, non. D'accord. Je suis d'accord avec toi, c'est pas le jeu qui me tente le plus. Mais en plus, c'est surtout l'attitude. Pourquoi est-ce qu'ils ont présenté ça de cette manière-là? Parce que ça a été leur seule réussite au niveau FPS avec Perfect Dark, mais qui a été la suite détournée. C'est pas encore la même chose, je crois. Bah, ça reste un FPS quand même. Oui, d'accord. Mais Metroid, ça a été annoncé aussi d'ailleurs. Donc, ouais. Voilà, Metroid, il y en a eu un qui a été annoncé aussi. Mais justement, c'était vraiment en dehors de ça, leur seule. Je veux dire, licence externe. Voilà. Ça a pas l'air la seule licence externe de Nintendo. Qui est fonctionné sur leur console et qui a eu un tel succès et qui a eu un tel bon retour. Donc évidemment, pour essayer de s'éloigner du côté casual et autres... Bah, oui, ils essayaient de s'éloigner du côté casual. C'est pour ça qu'ils nous l'ont présenté en si grande pompe, simplement. Mais ils auraient dû faire quelque chose d'un peu mieux, quoi. C'est ça surtout qui me dérange. C'est pas qu'ils ressortent GoldenEye. Non, c'est une bonne chose. Ils auraient pu faire quelque chose de génial avec ça. Mais c'est le fait que c'est le même jeu au niveau graphisme. C'est quand même un petit peu... Ça fait 10 ans, quoi. Ouais, alors. Effectivement, c'est pas très joli. Non, c'est pas excessivement joli. Bon. Sinon, qu'est-ce qu'il y a eu comme autre annonce? Il y a eu un Mario Sport. Ouais. En gros, c'est Mario Sonic aux Jeux Olympiques sans Sonic, pour résumer. Ou un Wii Sport avec Mario. Bon, là, l'idée est louable parce qu'ils se sont dit plutôt que d'abreuver tout le temps le marché avec des nouveaux Mario qui fait du tennis, Mario qui fait de la danse, Mario qui fait du foot, Mario qui fait du basket, Mario qui fait du volley. Il y a un Mario basket? Oui, il y a un Mario Basket, il y a un Mario Volley, un Mario Baseball, un Mario... Tu en as des quantités assez... Donc, c'est vrai que l'idée louable de se dire plutôt on va les regrouper en un pack et on va sortir ça tout seul, c'est une bonne idée. Mais à part ça, des Mario au niveau du sport, on a déjà vu une flopée, c'est bon. Moi, les jeux, oui, de toute façon, c'est bien que... Donc moi, le seul truc de Nintendo là, qui m'a marqué, c'est la 3DS. Ah, mais il y a eu Zelda aussi, t'as même pas parlé de Zelda. Parce que ça ne m'a pas marqué. Tout simplement, le Zelda, franchement... Moi, le seul qui m'a vraiment donné envie, c'était Donkey Kong. Il avait l'air vraiment... Donkey Kong Country, oui, ça, oui. Mais non, moi, c'est la 3DS. C'est la console qui me tente le plus. T'intéresse. Oui. Que je compte bien... Je compte bien changer ma DS Lite à la sortie contre une 3DS. Je le dis honnêtement, je pense que je me la prendrai. Moi, tu sais bien que les portables, j'aime pas trop. Et en plus de ça... il faut voir en vrai, quoi, parce que la 3D... Oui, il faut voir en vrai, de toute façon, c'est clair et net, mais les retours que j'en ai sont très très positifs. Ouais, ouais, mais c'est un problème au niveau du marketing, je trouve, la 3D, parce que tu peux pas le marketer. Tu saurais... Oui, non, exactement, tu saurais pas le montrer aux gens autrement quand les leur faisant essayer. Ah, voilà, ça, non, ça c'est vrai. Mais personnellement, la 3DS... J'ai déjà une DS et je suis déjà j'aime déjà jouer avec et c'est une des dernières consoles avec lesquelles je joue vraiment de manière plus intensive. Et là, bah, ils nous ajoutent un écran 3D en plus de ce qu'il y avait déjà. Donc celui d'en bas reste tactile, pour juste expliquer. Celui d'en bas reste tactile et n'est pas 3D parce que c'était pas compatible sinon avec le stylet, ce qui est un petit peu logique. Faire du tactile 3D, ça doit être un petit peu compliqué. Et celui du haut est en 3D sans lunettes. Tu vois directement la 3D sans regarder le... Ah stéréoscopique. Ouais, stéréoscopique. Pas... N'essaye pas le mot compliqué, ça. Ouais, c'est ça, quoi. Ça plus de 4 syllabes, tu l'oublies. J'arrête. Tu l'oublies. Et donc... Non, mais... Non, personnellement, elle me tente... Personnellement, la 3D, ça me tente vraiment bien. Et je trouve qu'il y a matière de belles choses. Et les images des jeux qui ont été montrées, je trouve, sont du niveau du... même un peu au-delà, je trouve, d'une PSP. Au niveau d'une PSP. Donc, ils rattrapent la lacune qu'ils avaient par rapport à la PSP, qui était au niveau simplement graphique. C'était la seule chose qu'ils avaient en retard par rapport à la PSP. La PSP, bon... Voilà. La PSP, c'était une console. Donc, ils rattrapent ça, ils ajoutent l'écran 3D... tout en restant dans l'optique de la console qui est vraiment le jeu. Par contre, moi, je ne vois pas ce qu'on peut lui reprocher. C'est que ça sera peut-être la première console qu'ils vont vendre pas à perte, mais avec plus de profit. Parce qu'ils ont toujours vendu des consoles qui étaient retardées techniquement. T'arrêtes à perte ? Ben, la Nintendo DS ne s'est jamais vendue à perte. Non, justement. Ah, d'accord. Ce sera peut-être la première console qu'ils vont devoir vendre à perte ou avec très peu de profit. Ah, qu'ils vont... J'avais compris l'inverse. Justement, c'est pour ça que je me... D'accord, je comprends mieux. Nintendo a toujours vendu des consoles retardées qui leur coûtaient rien à faire. Et qui se vendaient comme des petits pains parce que les marketeurs derrière et les... Oui, tout à fait. Alors que là, maintenant, pour l'écran, c'est obligé que ça coûte cher. La Nintendo Wii s'est vendue par palette. La Nintendo DS continue à se vendre par palette. Et la Wii, c'est une GameCube, quoi. Ça ne leur coûte pas tellement, effectivement. Ça, je suis d'accord avec toi. Alors que tous les autres constructeurs vendent à perte au début. Mais la 3DS, franchement, si l'effet est vraiment bien rendu et vraiment bien là... Ça peut vraiment être quelque chose de bien. Voilà, ça c'est mon avis. J'ai autre chose à ajouter sur cette E3 ? Sur l'E3 en particulier, moi j'ai bien aimé la conférence d'IA. Elle était sympa, c'était une conférence violente. Il y a eu plein de FPS. Il y a eu l'annonce de Need for Speed Hot Pursuit qui a l'air vraiment sympa. Hot Pursuit ! Need for Speed. Il a l'air vraiment excellent. Oui, Need for Speed à des moments. Need for Speed est très bien. Need for Speed est une série sympa, mais. Ah, il y a eu des. Ces deux-là étaient excellents. Les voilà, deux. Quoi. Et il y a eu une époque où Need for Speed était. Peuvent encore très ajouter bien. Enfin, oui. C'est pas ajouter. Si, c'est non. C'est revenir à quelque chose. À ce que c'était. Ce sera sûrement un bon jeu. Mais quoi. Ça ne m'emballe pas plus que ça. Il n'y a rien de révolutionnaire là-dedans. Il n'y a rien de. Il n'y a rien qui... C'est un jeu... C'est un bon jeu qui va sortir, quoi. Ben oui, mais bon, il a l'air très sympa. Oui, on ne teste pas. Toi aussi, t'as l'air très sympa, là-bas. Et puis finalement, quand on voit que t'es un connard, bon... Mais... Merci, ils ont eu un autre FPS d'Epic, qui a l'air sympa, qui a été présenté par Cliffy B. Il y a eu quoi d'autre? Grand copain à chauve. Tiens. Devant l'éternel. Qui ça? Qui ça? Qui est mon copain devant l'éternel? Non, mais elle était bien comme conférence. C'était la plus rythmée de toutes les conférences et c'était la plus sympa, constructeur compris. Non. Si. Non, je l'ai pas vu, donc, je, pas vu, donc je ne saurais pas dire, mais non. Si. J'ai envie d'être contradictoire. Je sais pas, c'est celle qui présentait le plus de bons jeux. D'accord, voilà, je pense que pour le 3, c'est tout. On a déjà pas mal discuté. Ouais. Donc maintenant, je trouve que tu n'as pas une news en particulier à dire. Si, justement. Ah. Non, je parle d'une vraie news, s'il te plaît. Non, j'ai pas de news. Donc, yes. Here we go now. 1-2-1-2, the Atari crew. We're geeks. Here we go now. Geeks. Yo. Hello. When I get home, I play on my computer. My mum interrupts me, I'm gonna shoot her. I like drinking coffee and it's money when I slurp. It really makes me laugh when I do a bomb burst. I've got a lot of friends, I met them on the net. I've got a Tamagotchi and I keep it as a pet. Favourite game is Snake on my mobile phone. I never have a girlfriend because I always live at home. Le débat de ce podcast sera sur le doublage et le sous-titrage. Et ce que vous pensez de ça. Donc, le doublage, l'art atroce de remplacer la bande originale d'un film. Ça veut déjà tout dire sur son orientation. Je sais déjà même pas ce que tu as pensé. J'aime quand Stetson anime un débat de manière objective. Tout à fait objectif. Donc, sur le fait de... Merci. Sur le fait de remplacer les voix des acteurs originaux par des doubleurs. Et donc, qu'est-ce que vous pensez de ça? C'est un peu vaste comme question, oui. Bah donc, déjà... Parce que ton débat, on peut y répondre très simplement, c'est qu'il en faut pour tout le monde, et que non. Les gens qui ont envie d'avoir des doublages, ils ont des doublages. Donc c'est principalement dans les grands pays qu'il y a du doublage, il n'y en a pas aux Pays-Bas, il n'y en a pas... Oui, ça c'est vrai qu'il faut reconnaître que les... ouais. aux Pays-Bas, ils ont tous les films, par exemple... Je me suis déjà amusé, bon, ça vous semble peut-être débile, mais je me suis déjà amusé à regarder le gendarme à Saint-Tropez sur une chaîne, néerlandophone, parce que eux le diffusent en version originale, donc en français, avec les sous-titres. Ouais. D'ailleurs, je ne sais pas si tu te souviens, Chauve, on avait une fosse cinéma du côté néerlandophone du pays, parce que si je le dis à la mer, on va pas. On avait été voir Terminator 3, et c'était en anglais. Et Bruce Tout-Puissant. Oui, Bruce Tout-Puissant, c'était en anglais, sous-titré français et néerlandais. Ouais. Ouais. C'est comme ça partout à Bruxelles, je pense. Mais là, par contre, les films. Le doublage est une spécificité, pas que française. Non, pas que française. Mais notamment française. L'Allemagne aussi, sous-titre. La France est un pays. La France est une langue dominante aussi. Enfin, oui, et pas que ça. Les Français sont aussi d'un naturel fainéant et n'ont pas envie de lire les sous-titres et de. Et parlent moins anglais que. Oui. Mais par exemple, justement, aux Pays-Bas, grâce à ça. Il y a beaucoup plus une ouverture. Je pense que les Néerlandais ont un bon niveau d'anglais. Voilà. Ouais, ils ont... Pas forcément dû à ça. Moi qui travaille aux Pays-Bas, je peux dire que la majorité des néerlandophones parlent beaucoup mieux anglais que la majorité des francophones qui travaillent là. Bon, les francophones, ils parlent que dalle, ils parlent français, puis c'est tout. Ouais, mais ça, il y a des raisons scientifiques à ça. Il y a eu des raisons de fainéantisme. C'est beaucoup des raisons de fainéantisme, mais il y a une raison scientifique également. Bref, donc cette. Mais donc, principalement dans les. Dans les grands pays qui sont où il y a du doublage, les films pour enfants sont doublés quand même en général dans les pays où il y a peu de doublage. C'est vrai que Dora l'exploratrice parle déjà assez anglais comme ça, donc. Genre Toy Story, elle parle assez tout court. Voilà, mais déjà, quel argument peux-tu me donner sur le fait que c'est bien? Parce que toi, on sait que t'es positif, plus positif. Tu sais, les gens ne nous voient pas. Kirby. Les gens ne nous voient pas. Moi, je ne dis pas que c'est positif. Attention, je n'ai pas dit moins négatif. Je regarde énormément de choses en sous-titré. Il y a qu'à regarder ma petite collection d'animes à côté. Il y a énormément de choses sous-titrées. Oui, mais il y a des trucs que tu ne peux pas faire autrement. Mais il y a pas mal de choses qui sont sorties en français aussi. Je n'ai pas dit que c'était foncièrement bien. J'ai pas dit ça. Je ne trouve pas que ce soit une mauvaise chose, contrairement à toi. C'est justement l'inverse, je trouve. Je trouve que toi, tu es extrême de l'autre côté, Stetson. Tu trouves que c'est une mauvaise chose, point. Moi, je suis plus nuancé. Je trouve que c'est très bien. Je regarde autre chose en VO et j'adore certaines choses en VO où je trouve que, bon, c'est logique, les voix collent mieux vu que c'est les personnes elles-mêmes qui parlent, c'est totalement logique. Et en plus, tu as la vraie intonation et les vraies expressions. Les traductions françaises, tu dois d'office adapter un petit peu. C'est totalement logique. Mais il n'empêche que tu as de très bons doublages français, des séries où ça réussit très bien. Personnellement, une série, mais c'est un exemple très bête, et Chauve est d'accord avec moi, je ne sais pas regarder South Park, j'ai beaucoup de mal à regarder la série South Park en VO. Ah, moi aussi, je trouve que c'est un des rares. Mais vous l'avez vu en français. Vous l'avez vu en français avant de le voir en VO. Non, ça n'a rien à voir. Il y a des trucs que j'ai vu en français avant de voir en VO que je préfère en VO quand même. Ouais, mais tu l'as vu beaucoup en français. Oui, mais même. J'ai pris ça comme exemple. Il y en a d'autres, mais j'ai pris ça en exemple. Je trouve que les voix, les intonations de voix sont beaucoup plus variées dans South Park en français qu'en anglais, où c'est les deux mêmes acteurs, deux, trois mêmes acteurs qui font toutes les voix. Et en plus, il y a des spécificités françaises qui peuvent s'appliquer à ce genre de cas où il y a un humour. Comment expliquer? On n'a pas le même humour que. On est plus. Déjà rien qu'entre les Belges et les Français, par exemple. Il y a une spécificité au niveau de l'humour, on a beaucoup plus d'autodérision, on a beaucoup plus de... Et il y a certaines choses comme ça qui peuvent s'appliquer à la langue française qui sont impossibles à retranscrire en anglais ou en d'autres langues. Maintenant, c'est vrai qu'à la base, ça a quand même été écrit en anglais, donc avec des blagues et des jeux de mots qui sont anglais, La culture... Ça, il faut bien le reconnaître. Et justement, là aussi, c'est un truc que je trouve pas mal, le travail d'adaptation peut être aussi une bonne chose. Parce que les références, c'est pas toujours les mêmes que chez nous. Donc, il y a des choses qui nous feront rire quand elles sont adaptées en français avec d'autres expressions, d'autres qui nous feront rire. D'accord. Qui seront impossibles à comprendre de la même manière, à sentir de la même manière. Tu perds la volonté du créateur de te faire. Alors que nous avons droit au passage de scooter, de mobylette. Tu perds la volonté du créateur quand. Les créateurs de South Park mettent une blague, c'est cette blague-là qu'ils veulent, c'est pas la blague le doubleur veut. Tu l'interprètes un peu comme tu veux aussi. Ouais, mais bon, il y a des. Dans l'histoire, il y a eu des doublages de séries où le ton de la série a énormément changé parce que les doubleurs l'ont rendu différent. Il y a aussi deux choses. Les créateurs, d'accord, c'est en anglais par exemple, ou en japonais, ou en je ne sais quelle autre langue, d'office, c'est logique, ils la pensent en cette langue-là. Mais c'est pas pour autant. Qui ne veulent pas une adaptation eux-mêmes et que parfois même ils ne travaillent pas sur cette adaptation en question. J'ai le cas de plusieurs séries. Des gens qui travaillent sur l'adaptation étrangère de leur propre série aussi. Voilà. Donc, par exemple, j'ai le cas de One Piece. Il y a un premier doublage qui a été fait en France. Quand le créateur ou les producteurs, je ne sais plus, ont vu ça, ils ont crié directement au scandale. Ils ont dit non, nous on arrête là, on ne veut pas de ça, si vous perdez la licence si vous continuez comme ça. Et donc, ici en France, AB, qui possédait les droits, a été obligé de laisser tomber la licence. Ils ont voulu recommencer, mais tout compte fait, ils n'ont pas pu. Ils ont été obligés de laisser tomber la licence. Et c'est la Toei, donc la société mère qui gère ça au Japon, qui possède les droits de One Piece, qui édite One Piece, qui publie en manga, qui tout ça, qui s'est occupé de créer la version française. Et c'est eux-mêmes qui ont voulu ça comme ça. Alors, dans le cas présent, voilà, c'est les personnes en charge de la série qui elles-mêmes ça peut arriver mais bon je te disais les deux cas où les doubleurs ont changé le ton de la série c'était Starsky Hutch et Amicalement Vôtre qui n'avaient pas le même ton en France qu'aux US c'est des vieilles séries mais... voilà c'est ça aussi tu vois c'est ça que je dis je suis plus nuancé que toi tu me dis que tu es totalement contre oui déjà parce que je trouve qu'aussi d'un point de vue culturel ça aide les gens à parler anglais si c'est de vu que la majorité de ce qu'on reçoit est anglais. Mais tu peux prendre des cas... Il y a toujours des cas extrêmes. Je vais prendre un simple cas. Ken le survivant. On connaît ça. Le doublage français était catastrophique. C'est une série qui est irregardable en français. Franchement, c'est une catastrophe. Ils l'ont fait exprès. Ils se sont dit, c'est des gosses qui regardent ça, on s'en fout, on peut faire ce qu'on veut avec, ils ont une carte blanche. Et ça arrive à des conneries comme... je sais pas, le personnage... Alors que Ken le survivant est une série... au Japon, qui est une série très sérieuse, très hard d'ailleurs, parce qu'il y a beaucoup de sang et autres, et très... c'est vraiment tourné comme un film de cinéma, ou comme un... Et donc, au Japon, c'est des insultes, c'est vraiment... Mais chez nous, le doublage français qui a eu lieu, ils ont tout tourné en ridicule. Mm-hmm. En japonais, ça s'appelle Okuto no Ken, ça fait partie de l'école Okuto. Mm-hmm. Mais en français, ils ont traduit ça par l'école Okuto. Donc, résultat, Ken le survivant fait partie de l'école du haut couteau de cuisine. De cuisine. Voilà, haut couteau de cuisine. Donc, il a eu les enseignements de l'école du haut couteau de cuisine. Alors, il est contre l'école du manteau de vison, des trucs complètement. On a droit à des réflexions, par exemple, à un moment très crucial où Ken arrive et c'est censé être émouvant, sérieux, avec une vraie scène de combat qui a eu lieu. Moi, c'est mon moment préféré de la série, c'est pour ça que j'en parle. Il arrive face à l'écran, il regarde l'écran et il fait Les temps comme les œufs sont durs. Ça, c'est ça. Et là, je suis désolé, tu es en train de regarder la série, tu es dans le, vraiment investi dedans, tu es dans une scène de combat énorme, et tout d'un coup, tu entends ça. Les temps comme les œufs sont durs. Bon, voilà. Donc là, c'est, voilà, c'est toutes ces petites histoires pour dire, effectivement, il y a toujours des cas extrêmes où le doublage est raté, il y a toujours des cas où ça perd énormément de saveur, il y a toujours des cas. Du moment que c'est sur un DVD que tu as le choix, ça va. Voilà, donc c'est là que je suis plus nuancé que toi, c'est, il faut laisser le choix aux gens. Oui, voilà. Non, je trouve pas. Bah si, non, mais tu peux pas. Si, tu peux pas dire, tu vas obliger les gens qui n'est pas la sienne. Je regarde beaucoup de séries. Moi, je vais autant regarder en anglais, mais c'est pour ça que je vais obliger les gens à regarder. Et je regarde beaucoup, je regarde dans les deux, je regarde énormément de choses en sous-titré, énormément de choses en VF. Le truc qu'il faudrait. Qui devrait être obligatoire, par contre. Ouais, c'est plus le cas ici en Belgique qu'en France. C'est dans les journaux télévisés, quand ils interviewent quelqu'un dans une langue étrangère, quand ils interviewent un flamand, par exemple, qui répond en flamand, c'est de laisser sa réponse en flamand et de sous-titrer. Plutôt que là, c'est systématiquement... T'as ouais. La voix du... Ouais, effectivement, ouais, sur ce cas-là, oui, d'accord. Ouais, même si c'est en anglais aussi. Bah, sinon, c'est un sommet européen et que t'as le président de la Lituanie qui se cause en lituanien, c'est pas forcément... Ouais, plutôt que la traduction directe. Oui, oui, voilà, mais oui. Mais c'est vrai que là, t'entends sur un autre. Pas facile d'inclure les sous-titres en direct. Hein. C'est pour ça qu'ils font beaucoup. Non, mais je parle pas de sujets en direct, évidemment. YouTube mais je parle de sujets enregistrés. C'est pas très réussi. Je parle de sujets enregistrés. Ouais, mais donc dans une interview, dans le cas d'une interview au JT, par exemple. Ouais, non, mais pas d'une interview en direct, d'un sujet qui a été réalisé limite une heure plus tôt, une ou deux heures plus tôt. De toute façon, en direct, c'est en train d'arriver. YouTube s'est lancé là-dessus. Ouais, mais c'est pas facile. C'est pas encore bien optimisé, mais tu vas sur YouTube, tu regardes une vidéo en anglais, tu as un petit onglet CC en dessous qui te permet d'afficher les sous-titres en plusieurs langues, en direct par rapport au son de la vidéo. Donc c'est déjà une belle avancée. C'est vrai que c'est possible de faire quelque chose. Mais il faut savoir aussi une chose, c'est bien beau, bon, d'accord, dans le cas où on regarde en anglais pur, mais à ce moment-là, je suis désolé, mais si tu regardes avec des sous-titres... Excusez-moi. C'est pas grave. Si tu regardes des sous-titres, ça peut aussi dénaturer. Parce que si tu fais que la lecture de sous-titres, t'as beau comprendre certains mots... La lecture de sous-titres, ça m'a toujours paru exagéré, quoi. Quand je regarde sous-titres, tu regardes une seconde et puis tu reviens à l'image. Non, c'est pas ça que je veux dire. Voilà, non, vous comprenez mal ce que je veux dire. Je veux dire par là que si on regardait un truc avec des sous-titres, quand tu ne comprends pas une chose ou que c'est une expression typiquement du pays en question, tu vas lire le sous-titre. Mmh. Vous êtes d'accord avec moi? C'est le sous-titre qui va te permettre de comprendre. Si le sous-titre, comme le doublage l'aurait fait, dénature ou modifie pour faire comprendre à une population francophone... Ah, mais il y a plein de sous-titres qui sont mal faits. Ça fait le même effet. Je suis complètement d'accord. C'est le même effet. Donc, à part en VO pur, je suis désolé, les sous-titres peuvent avoir le même effet bon négatif. En anglais, de toute façon, t'es toujours perdant. Voilà, exactement. Moi, Stetson, on s'en fout. Je regarde aussi des films qui sont pas en anglais. Je regarde des trucs en VO pur aussi. C'est pas la question, mais je veux dire, voilà, ça peut. Et tout le monde n'a pas nécessairement un accès facile aux langues étrangères et la possibilité de pouvoir regarder en. La possibilité. En langue sur étrangère. Sur un DVD, il y a des sous-titres toujours et tu peux. Non, c'est pas. J'ai pas dit ça comme ça. N'a pas l'accès à la langue, n'a pas l'accès facile à la langue, ne peut pas comprendre. Dans le débat et c'est le mauvais niveau de l'éducation qui fait que les gens ne parlent pas bien l'anglais. Si c'était l'anglais, ça devrait être obligatoire. Hein, Sûrement, je suis entièrement d'accord avec toi. Si à la TV on avait plus de programmes version originale, l'anglais serait d'un bien meilleur niveau. Tout à fait, mais là il y a un autre débat. Là, il y a un autre débat qui se pose, mais non, mais ça reste dans le même débat, donc mais il y a un autre débat qui se pose, c'est que s'ils font ça, je suis désolé, la télévision à l'heure actuelle est une chose qui éduque énormément les gens, malheureusement. Il faut le reconnaître. Oui, mais malheureusement. Et s'ils faisaient ça, ils perdraient une grande partie de leur audimat, de leur public. Les trucs prévus, les séries qui traduisent pour les ménagères de moins de 50 ans, s'ils se mettent à diffuser Top Model ou Amour, Gloire et Beauté en version originale sous-titrée, bon, à la limite, je ne pense pas qu'il restera beaucoup de monde. Tu vois? Non. Mais après, là, tu es dans un débat de... À ce moment-là, quelle œuvre devrait être diffusée en anglais ou pas, bah, juger genre, la qualité de l'œuvre. C'est le film du soir. Oui, pourquoi? Oui, mais voilà, mais les grandes séries. Mais non, alors, mais les séries qui sont jugement sur une œuvre. Non, je ne porte pas le jugement sur une œuvre. Ils peuvent, même si c'est une mauvaise série, genre même les experts, qu'ils le laissent en VO. Ça, c'est le petit message subliminal. Non, bah, les experts Las Vegas, ça passe encore, mais les autres... Je ne suis pas non plus un fervent admirateur des experts. Ils les laisseraient en VO. Les policiers, c'est de la merde. Shield, The Wire... The Shield est génial, par exemple. Et The Wire, à mon avis... Mais par exemple, voilà, sur The Shield, je trouve qu'effectivement, en anglais, là, toute cette série, par exemple, que je regarderais volontiers en anglais. Parce que tu as les expressions, tu as la force des même des insultes, parce qu'il y a énormément, ou des... Je trouve là, oui, par exemple, effectivement. Maintenant, des séries plus... Je ne vois pas pourquoi des séries plus légères ne pourraient pas être regardées tranquillement en français sans... C'est parce que ça les rend moins bien, tout simplement. Ouais, je suis pas d'accord. C'est ton avis. C'est ton avis, mais il y a des doubleurs qui jouent très bien. Des joueurs, ouais, il y a des doubleurs à qui tu associes un personnage et qui s'en sortent très bien. Le doubleur de Cartman est meilleur que Trey Parker ou Matt Stone, je sais plus lequel. Oui, c'est un des deux, est un petit peu... Et l'animation, je trouve que ça passe mieux que l'animation doublée. Moi, je ne suis pas d'accord sur l'animation. Je ne suis pas d'accord sur l'animation parce que les... Du moins, sur les animations japonaises que je regarde... Les Japonais, par exemple, il y a des langues qui se portent plus à certaines choses. Et je trouve, par exemple, que sur le cas des Japonais, les animations sont faites par eux par rapport à leur langue et leurs expressions, et sont faites pour accentuer certaines choses, des cris, des fins de phrases très accentuées. Et quand tu doubles en français, ça le fait moins. Tu vas avoir un doubleur japonais, par exemple, qui va commencer à s'énerver sur une phrase, arriver à la fin de la phrase, hurler le dernier mot, tu vas le rendre en français... C'est pas moi! Tu vas te dire, mais pourquoi est-ce qu'il crie sur le mot final? Mais il est obligé parce que le personnage le fait. Mais voilà, pour le coup. C'est ça aussi, il y a aussi la musicalité de la langue, entre guillemets. Mais je parlais principalement dans le cas de South Park ou des Simpsons. Mais justement, je trouve que l'anglais peut se rapprocher plus du français et donc permettre des doublages plus faciles et plus cohérents, je trouve. Bon, maintenant, c'est. On est d'accord pour dire que c'est mieux en VO, mais que. J'aurais avoir un choix. Mieux en VO. C'est mieux en VO. Oui et non. Je suis pas d'accord sur tout. Il y a des choses que je préfère regarder en VO. Dans votre cas, mais il n'y a aucune série qui est mieux en VF qu'en VO. Moi, il y en a certains que je préfère. Tu sais m'en citer une? Non, c'est vrai. Moi, je sais t'en citer déjà trois, mais je sais bien que tu ne vas pas être d'accord sur les trois. Pas des trucs japonais. Non, américains. Bon, c'est pas des séries live avec des acteurs. Donc. Après, sur les séries avec acteurs, il faudrait que je réfléchisse. Bon, donc, c'est ça, ce que je disais, les animations. Les Griffins. Les presque Futurama. Non, Futurama, j'adore en VO. Mais c'est ce que je disais, l'animation est plus facile. Que t'as pas les lèvres de l'acteur, déjà. Ouais. Ben, l'animation, oui, voilà. Encore une fois, ça dépend vraiment si la langue peut se prêter à la sonorité. Anglaise, quoi. Oui, voilà. Ouais. Donc j'ai dit que les Simpsons, je les regardais en VF quand j'étais plus petit, et c'est vrai que ça me choque moins quand je l'entends en VF, j'arrive à le supporter. Je le regarde en VO quand je le regarde. Après, il y a un autre truc aussi qui me pose problème. Je vais citer un simple exemple, la série Friends par exemple, dont le doublage français, pour moi, était très bon. Mais c'est aussi parce qu'on l'a vu quand on était jeune. Justement, il y a un phénomène qui se pose et qui là pose aussi problème. C'est qu'après un moment, les doubleurs ont changé. Ouais, c'était et là, la 8e saison. Au moment où tu te retrouves avec le personnage qui change de voix, ça. Ouais, là, ça casse. Là, non, il y a quelque chose qui se casse et qui n'est plus possible, quoi. Alors que par contre, si tu regardes, si t'as regardé en VF pendant longtemps, j'ai vu Friends en VF pendant longtemps, et je suis passé à la VO, et à part pendant 2-3 épisodes où j'ai dû m'adapter, c'est passé. Ça va, alors que tu fais l'inverse. Je prends Friends parce que c'est l'exemple où je pense à un doubleur qui a été remplacé. Maintenant, il y en a d'autres, des exemples comme ça. Mais là, effectivement, c'est aussi un des problèmes du doublage. C'est que, ça peut arriver. Mais bon, au moins, inclure le choix. Laisser le choix. Et ça, c'est ce qui est bien avec les nouvelles technologies de décodeurs et autres. C'est que tu as le choix, tu as un programme. Tu as envie de te le mettre en VO sous-titré, en VF. Tu as le choix. Les DVD, pareil, tu as un choix. Là, je trouve que c'est pas mal. Parce que ça permet, si tu as envie... De te lancer, d'essayer d'avoir un peu de langue, tu peux le mettre. Et si tu as envie, parce que je suis désolé, moi je connais énormément de personnes qui regardent les choses en VF par facilité, il faut le reconnaître. Par facilité, par non-envie de lire, par flemme. Et moi aussi, je le reconnais, moi aussi. Ça m'arrive aussi. Hein. Je regarde les choses en VF par flemme. Toi t'es parfait. Hein. Non, je regarde jamais en VF. Ouais, ça va. Ben, quoi. Ça va. Mais quand tu développes un niveau d'anglais après un moment, oui. Mais quand les sous-titres sont indispensables, c'est vrai que tu n'as pas toujours envie de... Non, parfois, je regarde un truc, enfin, je regarde sans le regarder, en sans autre chose, officiellement en français, quoi. Oui, voilà, par exemple, les choses plus légères que je regarde en faisant autre chose, c'est l'expression que j'attribue aux choses légères, effectivement, ben là, je les regarde en français. Ouais. Je les regarde en VF. Mon choix, parce qu'en anglais, même si je comprends tout, j'ai moins d'esprit. En anglais, je dois me concentrer, moi. Voilà, je me concentre un peu, quoi. Voilà. Dernière chose que j'ai été voir en anglais pur au cinéma avec lui. Oui, j'ai suivi le film, mais il a fallu que je me concentre et que je ne sois attentif qu'au film. Je ne peux pas... à moins d'être... Lui, il va dire, ouais, moi, en même temps, je me grattais les couilles, je mangeais du popcorn et j'avais mon Sprite et j'écoutais, mais... Le seul truc qui me dérange quand je regarde un film, si je discute avec quelqu'un en français, alors là, j'ai plus de mal d'écouter en anglais et de discuter en français. Oui, bah oui, voilà, tu dois faire la conversion, c'est logique. Mais voilà, à moins de devenir pas parfaitement bilingue, mais... De comprendre parfaitement. D'être bilingue ou de le comprendre parfaitement, et à force... Il n'y a rien à faire, le français, tu sais faire autre chose en même temps, parce que tu t'es habitué à entendre cette langue depuis tout petit, et que voilà, tu sais l'écouter en même temps. Mais bon, c'est une question d'habitude, justement, comme tu dis. Si tu t'habitues tout le temps à regarder en VO, à un moment, ça devient naturel de le regarder en VO et d'entendre, en tout cas, l'anglais. Si je regarde en espagnol, je dois regarder les sous-titres et être concentré. Ouais, tu me rassures. Mais en anglais, forcément... Ça n'est pas parfait. Ça n'est pas parfait. Bah, ouais, non, c'est clair. En anglais, forcément, ça va. mais voilà, le cas, par exemple, moi, si je regarde un truc japonais, je suis obligé de regarder avec sous-titres. Je l'avoue clairement, je sais dire, à force d'en regarder, je connais 4-5 mots, quelques expressions, mais c'est tout. Et puis l'anglais est quand même relativement simple à apprendre, c'est pas comme le japonais, ou même en regardant pendant des années. Oui, non, tu ne l'apprendras jamais par toi-même, certaines personnes y arrivent, mais voilà. Il faut persévérer, un sacré fondu, c'est l'expression chauvienne. Alors que l'anglais, franchement, tu l'améliores énormément juste en... Mais de toute façon, c'est clair, ce serait une bonne chose d'avoir des choses diffusées en anglais, ça pourrait être une bonne chose, c'est clair, ça pourrait ouvrir à cette langue, ça pourrait... Là, je suis tout à fait d'accord, mais tout n'est pas pour autant à jeter dans le doublage. C'est là que je trouve son expression un peu trop... Pour moi, quand tu vois un film, encore plus, même une série, une bonne série. Si, il serait du genre à foutre des beignes au mont. Une bonne série ou un bon film, genre The Shield ou bien Deadwood ou bien. Si tu l'as vu en VF, t'as pas vu la même chose que. T'as pas vu le même truc. Hein. Ce que j'aime bien, c'est la notion de bonne série. Ça reste quand même subjectif. Non, c'est pas subjectif de dire que The Shield, c'est une bonne série. Non, ça d'accord, mais. Après, t'as des choses que tu peux aimer, ne pas aimer, que tu peux trouver bon avec d'autres mauvais. Il y a une qualité scénaristique. Il y a des trucs notoirement mauvais. Oui, voilà, il y a des trucs notoirement mauvais, des trucs notoirement bons, je sais pas si... Après, tu peux ne pas aimer certaines séries qui sont bonnes, mais genre, comparer, disons que par exemple, Heroes ou bien The Shield, tu vois, il y en a une qui est scénaristiquement bonne, et une, c'est une daube. Et tu peux aimer The Shield, tu peux aimer... Là, je ne veux pas être d'accord avec toi sur le début de Heroes. D'accord, sur le début de Heroes, mais après... D'accord, à la troisième saison, ça commence à... la deuxième, déjà. Mais bon, la première et la deuxième sont des... La deuxième, non. Mais voilà. Bon, c'est pas le même niveau. Ça reste pas le même niveau. Tu vois, il y en a une, c'est comme comparer Citizen Kane et... Il y a ça aussi, peut-être une question de niveau dans les séries. C'est peut-être con ce que je vais dire, parce que bon, ça gère un peu et je... Mais... Suivre en anglais une série, je vais dire entre guillemets bateau, je sais pas moi, Weeds ou. Weeds, c'était très bien en première saison, c'est devenu moins bien. Mais non, mais je veux dire, suivre ça en anglais, c'est encore relativement facile, il y a encore des. Mais suivre une série en anglais plus de termes techniques ou des choses plus poussées devient aussi plus difficile. Quand même pas mal d'argot dans Weeds. Oui, mais j'ai pris un mauvais exemple. Excuse-moi. Par exemple, Friends est facile à suivre en anglais. Oui, voilà, il y a des séries plus comiques ou des... Deadwood, par contre, c'est super difficile à suivre en anglais sans sous-titres parce que déjà, ils ont l'accent. Ils utilisent des vieux mots. C'est ça, quand tu dois déjà te concentrer parce que la série en elle-même est compliquée avec des... Et si en plus, t'ajoutes la barrière de la langue, c'est pas facile pour tout le monde. C'est pour ça qu'il y a des sous-titres. Ouais, bah les sous-titres, c'est une bonne chose, je ne nie pas, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose avec modération, quoi. Ouais, bah oui, voilà, il faut... Pour conclure. Comme dans tout, pour conclure. Je trouve qu'il veut conclure le débat, en fait. Bah non, mais je pense qu'on va tourner en rond pendant des heures, quoi. On prend des exemples, on prend des cas particuliers, on prend des machins. Ouais, c'est vrai que... Moi, je veux bien, hein, vous pouvez te poser toute la nuit si vous voulez, mais... Non, mais j'aime bien Chauve qui synthétise le débat. Écoute, voilà. Chauve, l'homme de la modération. Il faut être modéré. C'est bien, moi je suis concis. Donc... Chauve est concis, Chauve est modéré. Non, je suis pas modéré, je suis concis. Chauve est chauve. J'aimerais bien qu'il propose le choix, quoi. De toute façon, c'est vrai qu'on est d'accord au final sur le fait qu'il faudrait proposer le choix et pouvoir. Déjà au cinéma, tu vois, que tu. Ce serait préférable d'avoir plus de versions originales. À la, télé... à la télévision, ouais. À la télévision. Et comment... au cinéma aussi. C'est, au cinéma, c'est... les gens devraient faire un effort pour. Au cinéma, tu devrais pas avoir de VF. Enfin, tu devrais. T'as envie d'aller au cinéma. Et comme disait Stetson, c'est une des rares fois où je suis d'accord avec lui. Tu t'habitues, tu vois quelques, tu vois quelques films en VO. Mais, et, ça oui, mais voilà, ça oui, mais bon, c'est l'expression tu ne devrais pas avoir de VF. Ouais, non, mais lui, il exagère, lui, il a. Non, lui, c'est un taliban, quoi. Mais surtout, tu dois avoir des VF au cinéma. Mais pas pour les films pour enfants. Pourquoi? Tu vas au ciné. Donc attends, il y a des enfants qui vont voir des films. Enfin, des films pour enfants. Donc en gros, par exemple, parce que Toy Story est un film pour gosses, tu devrais l'avoir en VF. Non, tu devrais l'avoir en VF. Et même si c'est pas pour enfants, il y a des gens qui ont envie de voir ça en VF. Voilà. Tu peux pas leur enlever. Tu vas au ciné, tu fais un effort, tu vas être concentré. D'accord. Non, je ne vais pas toujours au cinéma pour être concentré. Bah, tu vas voir désolé, un film. Pourquoi? Tu vas le voir pour glander, pour discuter. Non, ouais, il y en a qui vont pour glander. Ouais, mais ceux-là, ils ne devraient pas aller au ciné. Ça te regarde pas. Ah, mais si, ça me regarde. Ils ne doivent pas déranger les autres. C'est pas dérangé si je discute avec quelqu'un. Glander. Il y en a qui vont là pour passer le temps. Désolé, moi, je vais voir un film. Je vais voir un film français. Qu'ils aillent voir un film que je ne regarde pas. Non, qu'ils aillent voir un film français s'ils veulent voir un film français. Ils ont envie d'aller voir un film américain. Ben, ils font l'effort. Je vais voir. Attends, je vais au cinéma voir Transformers. C'est pas pour réfléchir. C'est malheureux, mais s'ils n'ont pas envie, ils ne le font pas. Puis voilà. Et ben alors, ils ne vont pas au ciné. Tu vois, c'est ça que j'aime pas, c'est qu'il est trop. Quelle peine de vouloir faire un débat avec un gars qui a déjà une opinion tranchée dès le début. Ah, bah, forcément que j'ai une opinion tranchée, ça. Non, mais, ouais, mais c'est tellement tranché que, attends, y a même pas de discussion possible, ça. N'allez pas au cinéma. Ne regardez pas des séries américaines, regardez juste Plus belle la vie, et puis c'est tout. Vous voulez voir un truc en français, vous regardez Plus belle la vie et De Chavannes. Je préfère les VO, il me semble qu'on a compris, mais je veux dire, s'il y a des gens qui préfèrent les VO, c'est quand même leur droit le plus strict. Voilà. Par exemple, l'exemple, je vais au cinéma. Tu vas au cinéma, tu vas voir Transformers. Je suis désolé, tu vas pas au cinéma voir Transformers. Si je veux voir une daube, moi j'ai rien en français. Et franchement, Transformers en anglais, c'est difficile à suivre. J'ai pas dit que c'était difficile à suivre, mais je dis je vais pas au cinéma pour réfléchir. Enfin, j'irai pas voir Transformers. Toi, tu dis on va au cinéma pour se concentrer. Non, mais tu te concentres sur le film plus que quand t'es chez toi. Transformers, je vais pas au cinéma pour me concentrer sur le film. Je suis désolé. Si, tu regardes le film. Non, j'y étais parce que ma femme voulait y aller pour l'accompagner au cinéma pour faire une sortie. Ta femme voulait avoir Transformers? Bien sûr. Quand t'es au cinéma, tu regardes le film. T'es pas forcément parce concentré que t'as pas autre chose dessus. À faire, c'est voilà. Tout. Parce que t'as mais pas autre chose à faire. Chez toi, tu fais autre chose en même temps. Là, je peux comprendre que tu veuilles pas le suivre en anglais si tu peux pas voir le film et voir les sous-titres et que t'arrives pas à comprendre juste avec l'anglais. Donc, mais au cinéma, tu regardes que le film. Chauve est l'homme de la modération et Stetson est l'homme de... Pas du tout la modération. Du coup, moi, je peux rien à dire. J'ai dit mon avis, voilà. Ouais, non, bah oui, c'est vrai que de toute façon... Voilà, Chauve et moi sommes pour une. Mais je suis favorable à plus de. On est, plus voilà, d'anglais, exactement, hein, plus on est favorable à plus de VO. Je pense personnellement que si j'avais eu droit à plus de choses en VO dans mon jeu. J'avais mieux travaillé en anglais aussi, parce que et tu que, fais rien en oui, anglais. Non. Tout à fait, il y a les deux choses. Mais d'office, j'aurais eu l'oreille un peu plus évoluée à ce niveau-là, et ça m'aurait peut-être plus intéressé, plus d'apprendre l'anglais à l'école. Ouais. Mais ça, parce que j'aurais été plus ouvert à ça. J'aurais dû regarder plus de films et écouter plus de trucs. Hein, voilà, j'aurais écouté plus de trucs en anglais, j'aurais beaucoup. Voilà, mais étant jeune, je n'ai rien en anglais, voilà. Donc, ça, c'est le chien de Kirby. Excusez-moi. C'est une croquette, hein. C'est pour ça que. Ben, je crois que. On a eu un pic de son pour le moment d'aboiement du chien. Je me demande même si on coupera pas son bruit. À mon avis, tu le couperas. Quoique pour le fun, pour le côté plus réaliste. C'est atroce, le bruit. C'est toi qui es atroce avec tes opinions tranchées. Taliban. Pour la peine, moi je dis, il participe pas au jeu, il aura une opinion trop tranchée, il dira que tous les films sont de la merde, que on le fait tous les deux. D'ailleurs, moi j'ai les réponses, hein, c'est pas grave. Mais d'ailleurs, on va parler aussi Japan Expo Comic Con, on va pas l'inclure dedans parce qu'il aura un avis trop tranché aussi. Il a fait chier tout le week-end. Voilà, tout le week-end, il nous a dit que c'était de la merde. C'est cloche et tout, là. Donc, Ah, peut-être, je trouvais mon coup de gueule. La cloche de Stetson. Donc voilà, bref, je résumais. Je résumais donc, Chauve et moi, nous sommes pour plus de modération et pour un choix. Mais clairement, en offrant plus de VO à la télévision et autres, et nous aimons mieux la VO sur énormément de choses. Donc, Stetson, c'est un taliban qui égorgerait n'importe qui, n'est pas d'accord avec lui. Voilà. Sauf moi, parce qu'il a peur de moi. Donc Stetson est un taliban. Et il a un peu le physique, vous le voyez pas. Mais... Stetson est le taliban de la VO. En bataille sur le visage. Donc, en bataille. Ouais. Stetson est ce qu'on appelle un extrémiste à ce niveau-là. À mon avis, il n'a pas de poils partout, donc il les a laissés pousser très long pour faire un effet barbe. Je pense aussi, oui, c'est pour donner une petite touche talibanesque une barbe d'islamiste. Soit. Pourtant, il a un côté très anglish dans le style, donc très touriste anglais, en vadrouille. C'est vraiment ça. Bref, je prendrai une photo pour le public. Ouais, on mettra sur le blog. On mettra sur le blog une petite photo de Stetson. Non. Si. Si, tu ne resteras pas l'homme mystère très longtemps. Hein. Le podcast t'expose. Ouais, sauf que j'ai déjà ta photo, donc ce serait facile. Ma photo? Ouais, j'en ai sur le réflexe. Bah, j'en ai de toi, Stetson. De moi? Désolé. En a de moi? Mais j'ai des photos de tu toi, Stetson. Une photo. Si. Bref, mais justement, puisqu'on est en train de parler. Transition, messieurs, dames. Le week-end à la Japan Expo. Donc, ce week-end, nous sommes allés, je le disais si bien, Stetson, Cho et moi, à Japan Expo Comic Con. À Paris. À Paris. À Villepinte-Nord. Exactement, à Villepinte. Paris-Nord-Villepinte. Le célèbre donc salon de Japanimation, manga, enfin, tout ce qui concerne le Japon pour une part, et le salon Week Geek, si tu veux, plus comics, univers fantastique, science-fiction, jeux vidéo, récent. Qui est plus récent en France et qui est fusionné, pour le malheur de certains, avec la Japan Expo. Et c'est vrai que je trouve ça dommage aussi parce que la partie Comic-Con est très... Elle est petite, mais elle bon. Est très réduite et je trouve que la Japan Expo empiète énormément sur la partie Comic-Con. Ça, c'est mon avis. Mais bon, en même temps, à mon avis, s'ils mettaient la Comic-Con... Je pense qu'il y a plus de monde ça. Pour la Japan Expo que pour la Comic-Con bah oui, aussi. Forcément. Parce que les Français sont très axés sur, sur la culture, sur la culture japonaise. Japonaise, effectivement. Mais bon, s'ils mettaient pas la Comic Con avec la Japan Expo, ouais, ils n'arriveraient pas à faire. Ouais, non, la Comic Con, c'est mis là, c'est logique. Elle se met avec la Japan Expo pour pouvoir grandir et peut-être que dans quelques années, ils arriveront à faire. Je pense qu'ils pourraient y arriver. Oui. La Japan Expo, au début, c'était tout petit. Hein. Je pense effectivement, tu as raison, que la Comic Con pourrait grossir et devenir un salon à part entière vraiment très intéressant. Je crois que c'est souhaité, intéressant. Il y a Comic Con aux États-Unis. Californie, et là, il y a autre chose. C'est autre chose, oui. Oui, non, c'est clair. C'est logique. D'ailleurs. Bon, bref, c'était bon pour simplement expliquer un petit peu notre week-end, avoir vos avis sur la convention en elle-même, sur le week-end passé, sur les invités, les conférences vues, ce genre de choses. Alors, qui veut commencer? Oh, Chauve, hein, il veut commencer. Trop de monde. Ça, c'est le leitmotiv du week-end. Trop de monde. La prochaine fois, ne venez pas. L'année prochaine, ne venez pas. Il y aura un bon tiers de personnes en surtout, main, on sera surtout, déjà beaucoup plus à l'aise. Surtout du côté Japan Expo. Ouais. Quand on est arrivé le samedi matin du côté Japan Expo, on s'est dirigé au fond vers le Comic Con. Extrémiste. Ta gueule, toi. Non, mais non, j'aime pas les foules. Ouais. Tu peux bien parler, peut-être ça. C'est exprès, hein. Non, mais il faut reconnaître qu'on s'est dirigé vers le côté Comic Con directement parce que. Ouais, trop de monde. La Japan Expo ne pouvait ni marcher, ni atteindre un stand, ni. Ouais, impossible. Rien. On avait l'impression d'être encore dans la file. C'est bien ça. Sans les barrières. Sans les barrières, oui. Et sans les gens qui crient à gauche, la flèche bleue, à droite. Ceux qui ont déjà leur ticket, la flèche bleue. Donc, alors, Chauve, qu'as-tu pensé, en dehors du monde, évidemment, qui est la grosse critique du week-end, de la convention en elle-même? Bah, trop de monde. Bah, non, sinon, un peu trop commercial, je trouve, un peu trop. Business. C'est la grande critique faite à la Japan Expo. Foire commerciale. Beaucoup de stands, ouais, gros. Ouais, surtout, je trouve personnellement, surtout au niveau Japan Expo. Ouais, ouais. C'est oui. Pour ça que le Comic Con pourrait être très bien s'il était en tant que salon à part entière. Parce que le Comic Con, voilà, c'est beaucoup plus exposition, c'est beaucoup plus conférences, beaucoup plus. Du côté Japan Expo, c'est plus limité et il y a énormément de stands de vente. Ouais, c'est d'accord. Il y a vente et éditeur. 80-85%, c'est ça, quoi. C'était mais oui, non, tu n'as pas vu la. C'est parce que tu n'as pas vu le hall où Stetson est allé pour la conférence. Oui, il y a aussi des. Donc il est caché. De karaté, tout ça. Il faut le savoir et vouloir le voir, en fait. Ouais. Si tu rentres là-dedans en tant que novice sans avoir le plan et sans vouloir. Le plan qui n'est pas très bien fait. Il n'est pas très bien fait, non. Ça, il faut prévoir à l'avance, effectivement. Ce qui n'a pas été notre cas pour le coup. Sinon. Chouette, quoi, mais... trop de monde. Déjà, première chose. ouais, non, sinon, c'était assez intéressant. Mais... Je sais pas, qu'est-ce que tu as vu d'intéressant, qu'est-ce que tu en retiens, qu'est-ce que tu as découvert, qu'est-ce que... Je me suis tapé 2 heures de conférence sur le visiteur de futur, parce que j'avais jamais vu un seul épisode, lacune que j'ai comblée depuis, mais... Ouais, tu as regardé? Ouais, j'ai regardé les 10, 15 premiers, je sais plus. Et qu'en penses-tu alors? J'ai hâte d'avoir ton avis. Ouais, ça fait sourire, mais... Pour une web-série amateur... Ouais, c'est sympathique. C'est quoi, bien fait, bien pensé. Voilà, c'est sans... Je me suis pas pissé dessus, quoi. Non, bah... Ah oui, c'est clair. De toute façon, mais il faut avouer que c'est une bonne série amateur. Quoi. Oui, voilà, c'est sympathique. Fait sourire. Sinon, moi, ben, en tant que novice, pas geek, pas spécialement de truc à dire. J'aime les gens qui viennent dans un podcast geek en se disant non. Dit, moi, je viens comme ça, je passais par là, je viens de Tu as décidé d'intervenir, oui, voilà. Dire bonjour et en fait. Comme par hasard, il y avait mon portable et mon micro qui étaient là. Enfin, mon micro. Oui, bah, si c'est le micro qui m'est alloué, avec des jolis trucs collés dessus, vous devriez voir. Et c'est tout ce que tu retiens, alors tu n'as rien vu de particulièrement. De beaux achats de t-shirts, un bouquin intéressant. Et... Oui, si j'ai fait justement, c'est lié au côté un peu trop commercial, c'est que moi qui suis pas plus que ça, enfin si, ça m'intéresse, mais pas plus que ça à fond dedans, j'ai quand même bien claqué mes sous. Quoi. Mais je trouve, justement, c'est aussi encore une réflexion pour laquelle je voudrais voir le Comic-Con à part entière. C'est que je trouve justement, autant du côté Japan Expo, c'était commercial énormément, il y avait énormément de stands, mmh. Autant du côté Comic-Con, moi qui voulais avoir des petits gadgets ou des petits t-shirts. Des comics, hein, tout simplement. Ouais, ou des comics pour toi, c'était tout simplement, par exemple. Même moi, mais je trouve que le choix, justement, de ce côté-là était très, très, très limité. Mmh. Ouais. Donc ouais, je trouve qu'il n'y avait pas un juste milieu. Si tu voulais de la Japanime ou du manga, tu pouvais en acheter à la volée. Mmh. Si tu voulais claquer ton salaire du mois. Quoi. Voilà, si tu voulais des comics, si tu voulais des t-shirts un peu geek, si tu voulais du tu étais limité quoi, tu n'avais pas à part le stand Micromania avec le bouquin Pixel Love qu'on a acheté. Qui était l'année dernière, il y avait carrément l'éditeur Pixel Love qui avait un stand à lui. J'aurais bien aimé que ce soit pareil cette année, mais sinon il y avait Panini Comics pour les comics en français, mais encore une fois le stand Panini était en plein milieu, divisé en deux. D'un côté manga, Panini manga, de l'autre côté Panini comics. Donc, oui, on peut aimer les deux, mais c'est vrai qu'encore une fois, ben, la distinction ne se faisait pas. Il n'y avait qu'un tout petit marchand de comics en anglais qui était minuscule, qui avait quasi pas de choix. Et de niveau goodies et t-shirts, un stand de t-shirts otaku. C'est sympathique. C'est sympathique, on a fait des achats, mais voilà. Il n'y avait que leur gamme à eux et tout en choix limité. On sait que Kirby a acheté des t-shirts Twilight, mais ouais. C'est pas notre passion à tous. C'est pas vraiment, c'est loin d'être c'est loin d'être mon. Ça, c'est plutôt toi, Chauve. Hein. C'est plutôt toi, Chauve. Ouais, bien sûr. Avec tes Energy Hit Music Awards. bon, bref. À part ça, il n'y a pas. Si, une très belle exposition DC Comics avec des t-shirts possibles. Des impressions d'image sur les t-shirts. Batman, ouais. Mais avec des prix abominables. C'est Batman ou Superman? Non, DC. Batman. DC Comics. Avec Green Lantern, Batman, Wonder Woman. Des images un peu vintage. Et, ouais, on voulait acheter surtout, un t-shirt. C'était surtout Batman, je pense. Non, c'était DC. Donc c'était surtout ouais, Batman. Batman. Qui était beau. Ah, qui était beau, excuse-moi. C'était surtout Batman. D'accord. D'accord. Ah voilà, tu n'avais rien de particulier à ajouter là-dessus? Cela dit, tout ben, voilà, c'est... Moi j'ai un point positif à un négatif à ajouter. Je crois que Chauve sera d'accord avec moi. Stetson ronfle. Oh putain. Mais Stetson avait prévu des bullcasts. Heureusement. Bah, normal. J'adore parce que Stetson. Je me demande comment t'en mets pas toi-même pour t'empêcher de t'entendre ronfler, quoi, parce que c'est infernal. J'ai dû les mettre. Et finalement, j'ai passé une bonne nuit. Mais... ouais, mais bon. Mon Dieu. Pour quelqu'un qui ronfle pas. Pour quelqu'un qui ne ronfle pas, oui, effectivement. Mon Dieu. Vous exagérez comme d'habitude. Non. On aurait dû t'enregistrer. On aurait dû te filmer ça, parce un que. Un panzer dans les Ardennes, quoi. Ouais, non, on aurait dû le filmer, je pense. Enfin, Stetson, ton avis sur le week-end, la convention. À part les cloches aux pieds, qui est le gros point négatif, n'est-ce pas? Non, le conférence était bien. Sinon, je trouve que c'est pas bien organisé. Par rapport à la taille qu'ils ont, ils ont 100 000 mètres carrés. Et par rapport au nombre d'années depuis lesquelles ils sont là aussi, parce que la Japan Expo, c'est quand même la 11e édition. C'est vrai qu'ils auraient pu faire un effort d'organisation. Ils ont fait un effort cette année sur les fils, comparé aux dernières fois où j'y avais été, il y a 2-3 ans. Ils ont fait un gros effort sur l'organisation des fils. Mais en attendant, on se croyait à Disneyland, parce que... la flèche verte si vous avez un ticket, la flèche bleue si vous n'avez pas de ticket, hop, d'un côté de l'autre, à tourner dans des barrières pour finir, on ne sait plus dans quel fil on est, ni pourquoi les autres nous passent à côté, puis repassent à côté quelques temps plus tard. On ne sait jamais quand on va arriver, on passe par des hangars remplis de barrières où on tourne, on passe à l'extérieur, on revient dans un autre hangar, on passe une porte. Je trouve que c'est très mal organisé. Ils ont presque autant de place que la Gamescom, et ils ont quasiment deux fois moins de monde. L'avantage des fils, c'est qu'on peut voir des grosses cosplayeuses dégueulasses passer et repasser et qu'on peut se moquer à foison. À chaque fois que ça passe. À chaque fois que ça passe. C'est-à-dire toutes les 2 minutes et demie. Et aussi, je dirais même dans l'organisation, à l'intérieur, il n'y a quasi pas de staff, les cartes ne sont pas bien faites. Par exemple, pour trouver la salle. Je suis d'accord. Pour trouver la scène où était Ojo pour la conférence du dimanche, c'était une scène complètement à l'écart. Aucun moyen de la trouver sur aucune des cartes disponibles et il n'y a jamais de staff qui tourne. Il faut aller trouver le staff pendant les conférences des autres. C'est vrai que le staff, à part pour organiser les conférences, pour mettre des tables et faire entrer les invités, personnellement, j'ai vu personne. Super difficile de trouver un staff. Et pour trouver la scène de Ojo, tu dois quasiment. T'as l'impression que tu sors de la conférence. Si tu ne sais pas du tout où elle est, c'est la première fois. C'est tout au fond après les tatamis, après les. Ouais. Et tu sors vraiment dans un couloir où t'as l'impression de sortir de... Oui, où t'as le... En vert, comme ça. Oui, je vois. Ouais, effectivement, t'as l'impression de sortir carrément de la convention et d'aller dans un autre bâtiment. Et... Non, c'est vrai que c'est pas... Et puis en plus, il est écrit... ce n'est pas fini. Et ils font la pub de d'autres expositions qu'ils ont sur les mangas plus spécifiques, je crois. Et donc, t'as vraiment l'impression de sortir, tu vois, qui te font la pub des trucs que tu vas revenir. En fait, cette somme a cru rentrer dans une convention sur la cuisine de grand-mère. Il a cru rentrer dans une démonstration tupperware. Mais donc, sinon, les conférences étaient bien. C'est ce que je retiendrai. Oui, notamment, moi, je retiendrai une, c'est la conférence sur les comics. Ouais. C'était sur la science-fiction. La science-fiction dans les comics et la bande dessinée. Ouais. Ouais. Cette conférence-là, personnellement, surtout avec j'oublie son nom, l'auteur qui était tout à gauche. Ouais, les intervenants étaient tous. Kana, ouais, quelque chose comme ça. Kara, je crois. Kara. Voilà. Kara et tout à droite aussi Philippe Gage Discute notamment et autres, qui tous les deux, je trouve, ont très bien animé la conférence. Ouais. Était très, C'est celle-là que je retiendrai, celle de Jean, qui était bien. Oui, c'était vraiment ces deux personnages, cette conférence. Même si les deux auteurs mieux, Morvan, je le connais de par Spirou et par Siage et autres. La conférence Hérocorp. La conférence. Vraiment à chier. La conférence Hérocorp, c'était très dommage. Très, très dommage, parce que c'est une série que j'apprécie de plus en plus. L'univers des Astier de plus en plus également. Et je trouve qu'il aurait pu avoir une conférence très marrante, parce que Lionel Astier peut faire le show quand il veut, son fils aussi, sa femme aussi. Enfin, il y a moyen de faire quelque chose de vraiment bien. Et au lieu de ça, ils nous ont bombardé 20 personnes du staff sur scène. Ils ont pris, ils ont même pris la personne qui fait la BD. Même le chef monteur. Même, ils ont mis les 20 personnes du staff sur scène et le commentateur a passé son temps à poser une question bateau et à faire passer micro aux 20. Donc au final, quelle est la scène que vous retirez? Quelle est la meilleure scène que vous ayez tournée? Et hop, les 20 répondaient. Après, vite joke entre tout le monde. Alors bon, au début, c'est marrant, on voit les personnes. Quand on arrive, on attend qu'une chose, c'est que le micro arrive au centre, au niveau des astiers, pour avoir des réponses un peu. Et puis ceux qui passent l'auteur de la BD, le monteur, on en a un peu marre. Et puis résultat des courses, après 3 questions au bateau, je pense. Qui ont duré une éternité parce que les 20 devaient répondre. Le staff lui a fait signe qu'il n'y avait plus de temps et donc le public a pu poser 2 questions. Deux questions en tout et pour tout. La dernière qui n'était pas une question. Alors mais qui finissait bien là. Mais qui, oui, il faut avouer que la personne du public a bien conclu le. Mais je trouve quand même que ce genre de conférence, à la base, le but, c'est quand même de pouvoir intervenir, d'avoir une interaction avec ces gens-là. Sinon, on regarde un reportage TV. C'est Je regarde un making-of. Voilà, puis bon, honnêtement, le commentateur... Ouais. Ce monsieur ne nous écoutera sûrement pas, mais permettez-moi de vous dire, cher monsieur, que c'était très limite au niveau du contenu. Autant que. Moi, je rajoute ça. Voilà, enfin, Stetson, autre chose. J'ai dit les deux conférences, celle de Joe et celle sur la science-fiction dans les BD. C'est les deux que j'ai vraiment bien aimé. Sinon, plus notre folle nuit à l'hôtel. Effectivement, oui. Et le restaurant chinois. Et le temps pour trouver un restaurant. Mais ça, c'est plus... cela ne nous regarde pas. Voilà, c'est deux que j'ai retenu. Sinon, c'était pas mal, mais je trouve que c'est mal organisé. C'est assez étonnant d'être aussi mal organisé après autant de temps. Ouais, il faudra qu'on s'essaye à d'autres conventions pour pouvoir plus juger aussi, parce que je crois qu'on aille voir d'autres choses, essayer d'autres peut-être plus petits. Voir plus petits, ça peut être intéressant aussi, parfois. Ouais, mais moi j'aime bien justement, la Gamescom qui est beaucoup mieux organisée. Justement, je trouve que c'est ça aussi qui est dommage, c'est que cette convention-là, en te disant c'est une grosse convention, tu t'attends à avoir des gros événements, des grands invités. Ouais, ça aussi, je trouve qu'il n'y avait pas beau. Au niveau Comic-Con, il y avait le seul invité impressionnant, c'est Ojo, et au niveau Comic-Con, il n'y avait rien, quoi. Au niveau Comic-Con, l'événement était fait autour d'HeroCorp, donc c'est vrai que c'est une série que j'apprécie, mais. Je peux pas dire que ce soit l'année dernière, par contre, ils avaient. C'est pas le but des stars, quoi. Bah voilà, quand voilà. Expliquer comment ils galéraient pour sortir un DVD, c'est pas des stars. L'année dernière, ils avaient le casque de BSG. Ça, c'était beaucoup plus gros, quoi, déjà, comme. Là, c'est donc cette année-ci, ils avaient Highlander. Ouais, le voilà, staff de Highlander. Qui, d'ailleurs, a fait un bid énorme. C'est dommage pour eux, mais. Ah bon? Oui, ils ont. Encore une moto passée, décidément. Non, il y a du monde, Highlander. Non, non, ils ont pas. Ça a pas marché du tonnerre. Non, non. Ah bon? Contrairement à ce que eux attendaient, eux sont arrivés là en disant bon, star américaine, on va un peu. Et au final, ils n'ont pas. Sur la journée, simplement les journées, par exemple jeudi, vendredi, je ne sais plus qui m'a répété ça, une personne que j'ai croisée là, il m'a dit il a eu le temps d'aller discuter avec eux, de taper à discuter un peu et de faire connaissance, etc. Parce qu'il y avait personne. Ouais. Les gens du staff d'Highlander lui ont dit si on a signé 10 dédicaces sur la journée. Donc, ils étaient très mal mis en avant aussi. Mm. Je n'ai pas vu vraiment, personnellement, un grand stand de Highlander. Avec... Ah, si, quand même, ils avaient toute une allée pour eux. J'ai pas eu l'impression de voir quelque chose de bien probant. Peut-être parce que ça t'intéresse pas. C'était mal mis en. Si, non, ça m'intéressait. J'aime bien. Non, non. Mais je n'ai pas trouvé ça aussi bien mis en place. Ça veut dire que HeroCorp, par exemple, que tu voyais sous toutes les coutures. Sinon, je dirais aussi qu'il y avait Hideo Kojima, mais pour une séance de dédicace, c'est que les dédicaces, quand. On grandit, c'est un petit peu ridicule de faire la file pour avoir une signature, quoi. De qui? Les dédicaces. Hideo Kojima. Je trouve, ouais. Hideo Kojima. Le créateur Hideo Kojima. De Metal Gear Solid. Ah. Il était à côté. Ouais, je trouve que ça ridicule les séances de dédicaces. Ça, t'as encore un avis tranché sur la question? Moi, je suis pas à cet avis-là. Ça me dérange pas d'avoir une petite dédicace et de venir dire bonjour à des gens que j'aime bien. Faire la file 2 heures pour avoir une dédicace. Bah, pas faire la file 2 heures, mais si j'ai la possibilité de discuter un petit peu avec et d'aller faire signer un truc, bah, je le fais. C'est sympa. C'est plus pour la connaissance de la personne et la voir en vrai, discuter avec. Ouais, c'est pas la signature. La signature, ma foi, tu la mets sur eBay après, tu sais, un peu d'argent, et voilà. Faire la file pour ne pas pouvoir parler, tu vois, être enchaîné, juste avoir une signature, je trouve ça vraiment ridicule. Ouais, et surtout que sur ce genre d'événement, et surtout là-bas, tu es obligé d'acheter quelque chose de présent à la Japan Expo et qui est vendu ou produit par la personne qui te signe la dédicace pour pouvoir les faire signer. Sur beaucoup de. Parce que sur Hideo, je crois qu'il n'y avait pas ça. Pas tout le monde, non, pas tous. Mais sur beaucoup de stars, c'est comme ça. Mmh. Un simple exemple, pour rigoler un petit peu, c'est chaud, va en rire. Les Morning Musume, le fameux groupe de pop japonais qui d'ailleurs a rencontré un énorme succès. Parce qu'avant, je suis arrivé trop tôt et ils étaient en retard d'une heure et donc j'ai vu les Morning Musume. Quelle chance. Bref, pour elle, par exemple, si tu n'avais pas acheté de leur CD ou des petites cartes à dédicacer ou des choses comme ça, tu n'avais pas la dédicace. D'accord. Quoi, des dédicaces de pute japonaise? Surtout qu'elles sont renouvelées tous les X temps, parce qu'il faut des jeunes à chaque fois. Donc elles sont tellement qu'après un moment, ben, quand une devient travaillée, tu la changes par une autre, ça ne se remarque pas. je crois que c'est un groupe où elles ont déjà été 12, un truc comme ça. Ouais, elles étaient pleines sur ça. D'ailleurs, il y a une fois, le groupe s'est déjà même scindé en deux pour faire deux petits groupes de J-pop parce que c'était trop. Elles ont pris les plus jeunes d'un côté et les plus vieilles de l'autre. Mais bref, ça c'est un autre débat. Et après elle, il y avait une chanteuse française qui chantait en japonais, Clémentine, je crois. C'était relativement attrapant. Ah, c'est... Si, non, mais je sais qui c'est. Je crois que je sais qui c'est. C'est celle qui anime... Oh, c'est peut-être pas elle, non, je me trompe peut-être. Elle chantait en japonais. Elle chantait en français et aussi en japonais. C'est pas Virgin Princess, ça n'a rien à voir. Non, c'est Clémentine, c'est... Je me mélange, avec ça. Autant pour moi. Et c'était juste avant le jeu, quoi, c'est pour ça que j'ai vu. Donc voilà, on y... c'était quand même positif malgré le problème d'organisation, le manque de contenu. C'était sympathique, on a vu des choses intéressantes, on retient certaines conférences vraiment probantes. Le voyage était un peu épique aussi. J'aurais bien, j'aurais préféré voir les deux conférences qui ont été annulées, qui avaient l'air sympas, sur comment dessiner les héros Marvel. Oui, les conférences, c'est pas dessiné. Non, mais c'est pas pour ça que j'ai pas envie de voir comment. En plus, si on avait regardé, on serait revenu à minuit chez nous. Ça, c'est un autre problème. T'as fini donc, pour ma part, à part le week-end très épique, en dehors de la conférence, ça a été un week-end très douloureux, très épique. Donc pas mal de mésaventures comme l'avalage inopiné de ma carte bancaire par un distributeur. Alors que tu as quand même dans ce genre de convention pour pouvoir dépenser un peu d'argent. Donc bon, ça c'était une autre histoire. Heureusement que j'avais les deux comparses avec moi pour pouvoir subvenir mes besoins primordiaux en nourriture. Bref. On a été manger au chinois. À part ça, ben, la convention d'elle-même, fidèle à elle-même, mal organisée, chère, très chère, parce que bon. L'entrée était pas. On a quand même évité de manger le dimanche à midi, parce que. Bah, le samedi à midi aussi, on n'a pas mangé non plus, quoi. Ouais, je mangeais des sandwichs que j'avais pris, et bon. Mais, un simple exemple, tu veux prendre une canette de coca dans le Japan Expo, c'est 3,10€. C'est quand même fou de mettre ce prix-là. Déjà vachement moi, ça me choque pas quand c'est comme ça dans toutes les. D'accord. Pas en Belgique. Bon, si tu vas à Werther ou aux Ardentes. Ouais, mais Werther, c'est un attrape-couillon. C'est pas comme ça. Ouais, mais aux Ardentes aussi. C'est comme ça dans les plus grosses et les plus commerciales. Ouais, un attrape-couillon, ouais. Dans les plus grosses et dans les plus commerciales, c'est tout. Mais ça n'empêche pas que pour moi, c'est un point négatif. Voilà. Tu veux manger. Alors, autre chose, justement, et ça dérive sur autre chose. Japan Expo, par exemple, c'est quand même normalement à la base une convention sur le Japon. C'est censé voir des arts martiaux, des conférences, des choses. À la place de ça, tu vois des Gotopouf. L'expression pour les gothiques Lolita, là. Les Gotopouf. Tu vois des vendeurs de mangas, de goodies et autres à des prix abominables. Et si tu veux manger ne fût-ce qu'un sushi. Tu te prends une barquette de 3 sushis, tu payes 9€. Que moi j'éviterais de manger parce que je veux pas savoir quand le poisson a été fait. Mais c'est pas la question, mais t'as une expo sur le Japon. Tu devrais quand même avoir des plats typiquement japonais, pas simplement des bêtes sushis en ravier. Bah, il y avait un plat typiquement japonais, les petites boules. Oui, t'en avais un. Il y avait plusieurs hors stand. Attends, en comparaison du. De la puissance de frappe de tout ce qui est manga et goodies. Oui, mais tu peux pas mettre des restaurants, il faut les cuisiner. Je dis pas que des restaurants, je dis des choses intéressantes, des conférences en dehors sur le Japon lui-même, sur la culture japonaise. Tous les stands de culture japonaise sont mis, on les a vus avec Chauve. Les stands de culture japonaise sont mis sur le côté, dans le coin. Ce sont des petits stands d'un côté des autres, des tout petites baraques, et qui sont tellement isolés et tellement mal mis. Ça n'attire personne. Donc les gens sont là, ils se font chier toute la journée, alors qu'il y a des choses qui auraient pu être intéressantes à découvrir. Bon, ça, c'est les deux gros points critiques. Sinon, sur les conférences en elles-mêmes, moi, j'ai trouvé ça intéressant. Moi, le visiteur du futur, évidemment, c'était une chose que j'attendais. Donc, personnellement, j'étais très heureux de les voir et d'avoir droit à un trailer pour une future possible saison 2. La conférence sur les comics, sur la science-fiction dans les comics et bandes dessinées, très intéressante. Franchement, vraiment, la conférence à retenir. La conférence est encore très mal organisée, bref, ce que vous avez dit, en gros. Sinon, à part ça, je m'attendais à trouver un peu plus de goodies, un peu plus de t-shirts, de gadgets, de choses comme ça. Il aurait pu me plaire, mais de ce côté-là, j'étais un petit peu déçu, quoi. Tu voulais dépenser plus d'argent. Ah, foncièrement dépenser plus d'argent, oui, j'en aurais dépensé plus. Avoir plus de choix. Bah, les t-shirts. Les t-shirts étaient très jolis. Hein. C'était bien, ils sont bien pensés, ils sont bien faits. Mais j'aurais aimé un t-shirt plus lambda, un bête t-shirt avec simplement un logo de quelque chose. Même ça, tu n'en trouves pas. À part le t-shirt cadeau Fallout 3 qu'on a eu tous les trois en achetant des t-shirts. J'en ai deux, même. En même temps, t'en as eu deux, oui. J'aime beaucoup, par contre, le petit signet qu'on a eu de Pixel Love. Ouais, je m'en sers. Moi. Ah, je m'en sers sur le bouquin qui est justement là. Mais par contre, justement, en parlant de... Tu vois, c'est lié. J'ai lu un petit peu un des deux. un des trois que j'ai acheté. Et il fait une erreur à un moment, il parle de New York et il parle du Comic Con de New York en parlant de lui, comme si c'était le Comic Con de San Diego. J'ai trouvé que c'était un petit peu gros comme erreur. Bah, oui, parle... mais non, je vois, tu vois ce que tu veux dire. C'est un rire nerveux, mais oui, je vois ce que tu veux dire. C'est quand même un peu grave de... Il y a un Comic Con à New York, mais il est beaucoup plus petit que celui de San Diego. C'est un petit peu choquant que quelqu'un dans ce domaine-là... Qui, oui, voilà, qui sort un bouquin bien normalement indiqué comme bien documenté ouais. dans ce domaine-là. Ouais. Mais c'est vrai que les bouquins Pixel Love sont bien, ils sont bien écrits et sympas à lire. C'est des beaux bouquins, quoi. C'est surtout pour ça que tu les retiens. Et puis c'est les seuls à faire, notamment sur l'histoire de Nintendo, comme Chauve a pris... Tu trouves pas vraiment non, beaucoup c'est... d'autres choses dans ce domaine-là, quoi. C'est des bouquins pour joueurs, quoi. Oui, voilà. C'est... De par leur nom, tu sais que c'est des bouquins ouais. gamers. Ben voilà, sinon, c'était... On a passé un week-end assez sympathique. Moi, j'ai découvert quelques trucs. J'ai aussi aimé, oui, la... j'ai aussi aimé personnellement la conférence sur la robotique et sur l'intelligence artificielle. Même si je trouvais les intervenants un petit peu... rêveur, un petit peu... Ouais, plus rêveur que geek, quoi. Oui, ouais, enfin, bon. Un peu... Ils avaient une vision idyllique de la robotique, ouais, ils avaient une vision... Je l'ai trouvé un peu trop... Oui, c'était intéressant, ils nous présentaient les distinctions entre intelligence artificielle forte et faible, les... au niveau ça aurait été sympa d'avoir quelqu'un sur la robotique de plus réaliste et de plus dans le présent. De plus terre à terre. Parce que eux, ce qu'ils voyaient, c'était dans 100 ans, quoi, minimum. Je trouve pas des pétés, mais des doux rêveurs, oui, voilà. Je dirais, plutôt. Alors que avoir quelqu'un qui parle de ce qui est maintenant et de ce qui est dans les 10 prochaines années aurait été un peu plus pour un peu compenser. Voilà, oui, mais j'ai appris des choses, j'ai appris les différences y est forte, y est faible. Bon, je trouvais ça intéressant quand même. Après, c'est vrai que sur la fin, les différentes questions qui leur ont été posées sur la quand ça arrive, sur le là, c'est vrai que c'est on a vu que c'était plutôt des rêveurs ouais. qui. Et alors au niveau dernier point, moi, que je voulais aborder là-dessus, c'est au niveau des cosplays, des rencontres de personnages, des... Personnellement, j'ai pas trouvé énormément de cosplays que j'ai aimé, parce que personnellement, je trouve que font tous un petit peu la même chose. Ils ont tous des ceintures sur la tête et ils en voilà, tous des ceintures sur la tête pour Naruto, des masques sur le visage pour Bleach, ou des Gotopouf. Ouais. Le terme utilisé pour les Gothic Lolita. C'est vraiment, à part ça, hein, tu n'as pas. Ouais. Si, par exemple, j'ai vu. Quelques originaux quand même. Mais... Voilà, quelques originaux bien. Par exemple, j'ai vu un Kratos d'or qui était super bien fait. Franchement, tu ne l'as pas vu. Non, je n'ai pas vu la vidéo. Il est en train d'enculer Lara Croft. Oui, il a essayé de prendre Lara Croft. Au sens effectivement du terme. Si, bah, par exemple, d'avoir les bisounours, à un moment, on fait bien rire, les gens déguisés en bisounours. La rencontre avec Art Gay, par exemple, qui est un personnage. Voilà, il faut, honnêtement. Ouais, il y en a beaucoup. Il faut quand même avouer, il faut oser se cosplayer en Art Gay. Ok. Ah non, je serais venu. Ouais, mais oser se balader en Art Gay, il faut quand même vouloir toute le faire. La journée, c'est vrai. Et le truc, c'est qu'aussi, voilà, tu te balades comme ça toute la journée, t'es un petit peu, entre guillemets, forcé d'être le personnage et de et toute la journée je crois qu'après un moment tu dois avoir je m'amuserais bien quand tu dois avoir marre d'agiter le bassin. Ça m'étonnerait pas qu'il s'y amuse très bien. oui ça doit être très amusant mais ça doit être épuisant aussi. Oui, oui. Non mais je pense que lui il en serait capable et nous pas, tu vois. Je voudrais faire chier le monde. Ouais, pas en argué mais peut-être en autre chose. Je crois que me cosplayer ne me dérangerait pas personnellement. Mais sinon, encore une fois, beaucoup de cosplay japonais, manga, du Naruto, du Bleach, en veux-tu, en voilà. Quelques autres trucs, mais énormément axés manga et Gothic Lolita avec des essais de couleurs partout, des shorts trop courts pour elle et des... bon, voilà. Et peu de cosplay vraiment en dehors, vraiment... même sur l'univers des comics, par exemple. D'accord, c'est la Japan Expo avant tout, mais est-ce que quelqu'un ici a vu... Je sais pas, un Flash, un Superman, un Batman, non. Un super-héros quelconque. Non. Mais j'ai vu un Stormtrooper. Stormtrooper, oui, ça. Ben, mais en même temps, le Stormtrooper, je crois que c'était plus. Voilà, c'était plus des professionnels. Enfin, des professionnels. Au niveau du staff que ça s'est fait, plus officiel. Je crois que j'ai pas vu de super-héros. Je crois pas que c'était des amateurs. Je crois que j'ai vu, un Flash. J'ai vu un Flash, moi. Un Flash pas mal fait, mais ça ressemblait plus à un pyjama qu'autre chose. Mais bon, c'est le personnage qui veut ça. C'est Flash, quoi. Voilà, c'est le personnage qui veut ça. Non, sinon j'ai pas super rien. Moi j'aime pas trop le cosplay donc. Mais tu n'aimes rien, Stetson. Non. On l'a déjà dit, tu seras le bougon de service. Donc voilà, bon week-end, convention intéressante. Bougon. Trop de monde, mal organisé, trop gros. Peut-être, ils voient pas trop, trop gros. Trop gros, c'est pas un trop problème. Trop petit, non, je veux dire, ils voient trop gros pour eux. Pour l'organisation qu'ils ont, ils voient trop gros. Pour leur organisation, parce que... Les yeux, le ventre. Parce que la place est assez grande. Hein. Des conférences annulées, des trucs qui... Ouais. Des micros qui ne fonctionnent pas toujours. Au niveau technique, c'est pas toujours au point non plus. Bon, d'accord. Ouais. Au niveau de leur organisation, sinon, Paris et Nord-Villepinte, c'est largement assez grand. Ah oui, non, il y a moyen de faire quelque chose de bien plus... Mais bon. Ça, en même temps, on peut le reprocher tant qu'on veut, on n'est pas dans l'organisation. Et je ne sais pas si nous, on devait faire un événement, si on arriverait à faire aussi bien, quoi, par exemple. Mais bon, en même temps, on ne se lance pas le défi non plus, donc... Donc voilà. Et tout le débat. On fait déjà un podcast, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal, oui. Enfin, voilà, je ne sais pas si vous avez quelque chose à ajouter. Je n'ai rien à ajouter, mon petit. Ce week-end. Eh bien, dans ce cas-là, je crois qu'il est... Voici venu le temps des rires et des chants, donc c'est pas ça. Merci, Hardier. À mon tour. Voici venu le temps de... Je ne sais plus, parce que Stetson a fermé ma fenêtre avec le plan du podcast, donc je pense que c'est le jeu de Chauve. Je pense que c'est à moi aussi. Donc, nous passons maintenant au jeu de chauve. C'est là qu'on va s'entretuer. Ça va être la guerre. C'est la fin. Donc, ce sera tous les numéros. Il y aura un petit jeu tour de rôle. Versus Kirby. Round one. Fight! Tout à l'heure. Tous les numéros, il y aura un petit jeu. Qu'on présentera à tour de rôle. Bah, Fatality. Ta gueule. Si toi tu le présentes pas, je le présenterai à ta place. Bon, là, en l'occurrence, c'est un blind test. En cherchant un peu mon sujet, je suis tombé sur une liste de films les plus rentables de l'histoire. Ça a rien de chercher sur le net parce que j'ai fait des ajouts de mon côté et j'ai retiré des trucs aussi. Même pas peur, je ferme le PC. Moi, si je ferme le PC, il va y avoir un problème. Ouais. Donc voilà, je me suis démerdé pour que ça soit assez facile et que ça se joue sur les réflexes. Donc, il va falloir être au taquet, messieurs. Il est plus jeune que moi, c'est un peu injuste. Il a 6 mois de moins... C'est des films assez récents pour la plupart, ou alors des films un peu... Kirby s'entraîne. Oui, Kirby est en train de faire des mouvements de gymnastique. Quand on aura fini de faire des conneries, on pourra peut-être commencer. Mickey ayant découvert inopinément le premier extrait qui était Mission Impossible sans même l'avoir écouté. Parce que je suis une star. On m'appelle le devin gaulois. Panoramique. Non, c'est pas panoramique, c'est devin. On va donc passer au deuxième extrait. Messieurs, à vos marques. Tu es prêt? Kirby versus Stetson. Fight! Round one! Fight! Goldeneye! Ouais, ouais, ouais! Ouais, il était sûr de son coup là. Première note, mon monsieur dame. Donc, je vais juste avouer un petit truc. On a rencontré un problème technique lors de précédent enregistrement. Il faut l'avouer, sinon ça ne fera pas naturel. Les deux premiers extraits avaient déjà été trouvés. Voilà, j'avais trouvé les deux premiers extraits aux premières notes. Donc, je fais semblant, mais c'était plus ou moins comme ça. Imaginez-vous que... Voilà. Il était chaud pareil. Voilà, j'étais chaud pareil. J'étais chaud boulette, comme on dit chez nous. Bon, monsieur, deuxième extrait, encore pour du buzz, hein, mais ça compte pas. Voilà. Vous êtes prêts? On est prêts. Tu me fermes bien ta gueule. Prêt, prêt, prêt. Go! L'exorciste! C'est le piano, je reconnais tout de suite. Bon, bah, 2-0 pour Nicky. Bon, maintenant, on rentre dans les extraits que... Fatality. Personne n'a encore entendu, sauf moi, donc il n'y a plus de triche, c'était juste les deux premiers. Nicky mène... Kirby, pardon. De toute façon, il ne s'est pas présenté au début. Tu peux m'appeler Nicky, c'est pareil. Nicky, c'est Kirby. Donc, Kirby, Nicky, pour bête... Je peux t'appeler Lucas si j'ai envie. Hein. Non, mais dis pas, non. C'est vrai, tu as peur. Oh, Facebook et le mal. Ouh, on va tout savoir de ma vie privée. Donc, il y a Kirby à 2, Stetson à 0. Et Stetson s'appelle Charles. C'est un anglais avec des grandes oreilles. Troisième extrait, messieurs, vous êtes prêts? Oui. Chaud ce soir. Go! Non? Non. On dit rien. Non. Bon, bah, ça fait... ressemble à du Burton, mais ou à Western. On s'était gouré en fait les trois premiers extraits qui sont passés, mais ils n'avaient pas trouvé celui-là qui était derrière 3. Donc voilà. C'est bien, mais à coup pas pour les problèmes techniques, mais maintenant, cette fois-ci, le jeu reprend. C'est bon. Cette fois-ci, c'est bon. Donc, on résume. Okay. 2-0 pour Kirby. Un coup dans l'eau. C'est ce qui s'appelle une fatality. Hospitality. Hospitality. Donc, le troisième extrait pour du vin, Maintenant, cette fois-ci, c'est pour du bon. Messieurs, mesdames, pardon. Mademoiselle. Vous êtes prêts? C'est parti. Grand bleu. Très poétique en tout cas. J'ai pas fumé de la drogue avant de tourner ce film-là. C'est possible. Peut-être la voix va vous dire tout ce qu'elle est chaud. Parce qu'elle voit. Ouais, bah elle vient après. Enfin, peut-être maintenant. On dit rien du tout. J'ai plusieurs films qui me viennent en tête, je sais que c'est pas ça, mais tu vois, je passe pour deviner un truc. Mais voilà, pour deviner un truc, je passe par tellement de propositions dans ma tête que j'ai vite. Parce que là, il y a eu, c'est passé par Danse avec les loups, c'est venu sur Avatar, c'est resté sur. Je préfère éviter. J'ai réfléchi, je propose quand je suis. Gladiator. En fait, ça fera que dalle comme point. Quelques indices, c'est pas du. Oui, c'était Gladiator. Bah, franchement, c'est un film que j'ai pas aimé, donc. Non. Gladiator, non, je me suis fait chier. Oh. Bah, oui. Voilà. C'est pareil, je me suis fait chier à Kingdom of Heaven. Avec 300. On voit les passants. Oui, Spartiate. Vas-y. Donc toujours 2-0 pour Calvi. Suivant. C'est rien, c'est les boutons du volume. C'est monsieur. La technique, l'arrière-plan. Fight! Je le sais. Kirby s'excite, voilà. Où le micro qui vient de tomber. Excusez-moi. Après, ça fait. Je le sais. Je vois la suite de la chanson en plus. Je n'ai pas trouvé ça. Ça me fait penser à Godzilla, je crois. C'est pas Godzilla, c'est ça. Je connais ce morceau, je l'ai déjà écouté un nombre incalculable de fois. Tu fais une proposition, peut-être. Ouais, mais j'essaye. Il tourne en rond dans son appartement. Et je sais que quand il va dire la réponse, non, je vais dire ah oui. Tu veux pas? Attends. Indice. Non, pas l'indice. Si tu veux problème noyé dans le feu de l'action, je me connais. Mais va dire l'action, va être ridicule parce que. C'est Matrix. Oh la honte. Bon, ben je démissionne. Les podcasts geeks pour moi, c'est fini. Merci de nous avoir écoutés. Je vous souhaite une bonne soirée à tous. Sur ce, je m'en vais. Au revoir. Non, mais tu veux pas qu'on le refasse et qu'on le trouve celui-là quand même parce que. Kirby, reviens. Kirby c'est en aller. Reviens, gamin. T'es bourri. T'as pas resté tout seul dans ce bois. Gamin. Allez là. Tranquille. Ah non, mais la honte de pas trouver ma place. C'est le deuxième ou troisième. Là ça me donne envie de démissionner. Ah, c'est clair. J'ai rien à faire ici, moi. Donc toujours 2-0. Mais c'est, généralement, c'est ça le problème. C'est les plus connus comme ça qui te marquent, mais pas... Moi, quand j'ai téléchargé, ça m'a tout de suite frappé, mais j'aurais été incapable de me... Voilà. Par exemple, Retour vers le futur, admettons, que j'ai deviné tout à l'heure, qu'on n'a pas passé, parce que bon... Ils n'ont pas voulu me l'accorder, cette bande de sales fascistes. Retour vers le futur ou L'Exorciste, c'est des trucs qui m'ont plus marqué. Matrix, j'ai aimé, ça m'a marqué, mais c'est tellement populaire et tellement connu que ça ne te... Enfin, je cherche aucune excuse. J'ai honte. Passe-nous le j'ai suivant. Ça suivant, vous êtes prêts? Ouais. Maintenant, j'ai plus mal sous les yeux, donc il y en a, je sais même plus ce que c'est. Je me dresse. Bien sûr. Vous êtes prêts? Bien sûr. Ça, je sais. Je le sais, mais pas du tout. Ici, c'est avec. C'est Armageddon. Ah ouais? J'ai inventé. Oui, c'est Aerosmith. Donc, c'est Aerosmith qui m'a fait. Le cheminement mental est curieux, parce que j'ai pensé, c'est une musique d'Aerosmith, Aerosmith, attraction Disneyland Paris, nom de l'attraction Armageddon. Ok. Voilà. C'est Armageddon quand même. Ouais, mais pas ça. Ouais, là, ouais. Mais l'intro sur ce que t'as trouvé, ça me disait pas du tout Armageddon. Parce que j'ai pas du tout deviné Armageddon, j'ai deviné Aerosmith. Et j'ai essayé de me souvenir après de quel film. J'ai failli dire Apollo 13 à un moment, mais je me suis dit non, c'est pas celui-là, c'est l'autre. Suivant. Donc 3-0. Ouais, 3-0 pour Kirby. Yes, yes. Fatality. Oh. Triple combo. Le Seigneur des Anneaux. Non. J'essaye. Ah, ça, Danse avec les loups. J'ai déjà entendu la musique, mais je ne pense pas que je tomberai sur le titre. Braveheart. Oui. Ah, mais... Non, pourquoi pour cette seule. Ce serait peut-être venu. C'est une grande première. Ce serait peut-être venu après. C'était Braveheart. Ce serait peut-être venu après, effectivement. Il n'y a pas de voix, rien du tout, donc ça reste comme ça un peu. Suivant. Toi, c'est parce que j'ai. Non, vas-y. Oh. C'est parce que j'ai proposé ici. Désolé. Moi, ça faisait un peu musique brève. Fatality. On n'entend rien. Ah. On dirait du Kubrick. Non. De loin comme ça, mais on n'entend pas grand chose. Ouais. Jésus et ses potes. Ah. Ah, speed Batman. Tu vois, quand tu veux. Et c'était lequel, The Dark Knight? Non, voilà. C'est le tout premier. C'est pas Dark Knight, ça, c'est les tout premiers. Bah, les tout premiers. Ouais. C'est. Ouais, c'est même pas celui de Burton, hein, c'est le. Non, c'est Burton, c'est le deuxième. 4-1. Ouais, il fallait le temps que ça se mette en route. J'ai appris à dire Spider-Man, mais il me dit non, ouais, c'est pas celui-là, c'est l'autre. C'est bon? Ouais. Oh les gars! Il nous regarde comme ça. Il est pas dans les plus créatifs, c'est un joueur. Je vais dire des conneries en essayant, mais. Fun scooting. Ça fait, parce que ça a l'air un peu à l'arrache comme musique, mais on verra bien. Genre Requiem for a Dream? Non. Je sais pas si on trouve un hein, mais... Fight Club. Fight Club. C'est pas la musique qui m'a le film qui m'a marqué honnêtement. Non. Mais... J'ai pensé à vous mettre le chanson bien de joué. Pixies, mais. Mais il a fallu l'indice pour y arriver. Oui. Là, c'est... On est. Voilà. On n'y serait pas. Franchement. Ça sans Tyler Durden, j'aurais voilà, pas on n'y serait pas arrivé, c'est ce que j'allais dire. Donc ça ne compte pas toujours. Tu peux compter un point, hein, mais... Non. Oui, c'est pas la question, non. Il a quand même trouvé, tu sais. Excuse-moi. Sans indice. Vous êtes prêts ? Ouais. J'attends que toi. On écoute. Beaucoup plus vieux. Le pont de la rivière Kouai. Non, c'est un film de guerre. Ouais, mais je sais, mais. Évidemment. Mâche. Non. Je disais que c'était un film de guerre, c'est sans doute. Un vieux film de guerre, un vieux. Encore plus ancien que Mâche et que pont de la rivière Kouai. Ouais. Sauf que le pont de la rivière Kouai, si tu passes, ça doit être la même époque que moi. Je crois que c'est 62, on va dire. Léon, le film de guerre. Les Charlots à la guerre. Non. Là, vous trouvez plus si vous avez pas trouvé. Ouais, c'est bien, moi. Tu mets ta jaquette quand même. Ouais, mais j'ai dit qu'il faut mettre ta jaquette. Non, mais je veux dire, tu dis apparaître pour les ouais. Ok, est-ce qu'il faut mettre ta jaquette, Platoon. Ouais, dans des bons films, tout ça. C'est le jour le plus long. Oh, incapable de trouver. Ouais, incapable aussi. J'avoue que là... Le film fondamental de guerre. Excuse-nous, mais on est plus des geeks technos que... Enfin non, on est bien cinéma, mais... Ouais, ouais non, j'ai quand même fait... Je ne sais plus, même plus combien il en reste. Je dis ça pour rire, mais... Ouais. Donc, mais bon, ça, j'aurais pas trouvé, quoi. Je pense qu'il y en a encore deux, et après le banco. Encore deux, seulement Ah, bah oui. Si on trouve rien... On est à combien, là? C'est 4-1 pour Kirby. C'est dur cette sonne, hein. C'est... Tu vas devoir compter sur le banco. Hein. Go! Parti. Fatality. Une mouche. La mouche. On me dit quelque chose. Mais je ne pense pas pouvoir mettre un nom là-dessus. J'en ai testé. J'ai oublié que j'avais mis. J'ai déjà entendu cette musique-là. Hein. Mais. Je suis une quille en cinéma, à la base déjà. Dis rien. Déjà entendu, mais. Je pensais que si quelqu'un trouvait, ce serait toi, mais. Ouais, t'as essayé d'équilibrer. Voilà, musique, elle me parle, j'ai déjà entendu, mais. Je pense que je serais incapable de trouver. C'est un musicien très connu de musique de film. De film X. Ah, c'est Albator. Le magicien d'or. Non. C'est Albator, ça, la voix. Mary Poppins. Non. Evita. Ah. C'est une vieille tête, un vieux film. Ouais, c'est un vieux film. Je vois pas. Il était une fois dans l'Ouest. Vous n'avez aucune culture si vous ne connaissez pas le film, au moins, pas la musique. Non, le film, j'ai déjà vu. La musique est connue, je vous assure, la musique est connue. Oui, je ne dis pas, mais je te dis, j'ai déjà entendu. Ennio Morricone. J'ai déjà entendu la musique, mais j'aurais été impossible de retrouver le nom du film qui s'y rapporte. Je pense que c'est le ça dernier. Ça n'a pas été une musique marquante pour moi. Avant le banco. Oh. Ouais, on est prêt, on attend que toi. Ça c'est c'est la musique aussi de Fantasia, non mais... avec les mais si avec les hélicoptères. Bah oui je sais mais je tomberai pas sur le titre du film, c'est toujours le problème. Si moi je connais, bien sûr que je connais. Bah, Platoon, Full Metal Jacket, il faut que j'allais citer dans l'ordre pour eux, mais bon. Okay, bon, je considère que c'était pas vraiment un indice. Non, tu peux considérer qu'il y a le point, hein, pas de souci. C'est parce que t'as dit les hélicoptères que j'ai repensé au film de guerre. Bah, c'est ça mon problème, c'est que j'associe la musique à une scène, parce que, bon, comme j'ai vu le film et que je le connais, bah, j'associe à la scène, mais le titre, c'est pas pour autant que je vais retomber dessus, quoi. Donc, voilà. Kirby, 4 points. Stetson, 2 points. Le banco vaudra donc 3 points. Donc celui qui trouve le banco a gagné. Le banco aurait valu 10 points si Kirby avait 10 points et moins 0. Exactement. En gros, c'est ça. C'est le principe du banco. Hein. Bon, c'est voilà. Le principe du banco à la Thierry Radisson. Mmh. Oui. Donc voilà, c'est un film ancien encore. À ma vie, ça va être dur celui-là. Il va être compliqué à trouver. Vous y êtes ? On est prêt. On est prêt. Ça va être le super combo. Fight ! Psycho ! Ouh ! Je dis ! Bravo ! C'était Psycho. Hein. Mais ouais, je suis mais il m'a marqué. Avec sa célèbre scène sous la douche. Effectivement, c'était Psychose. T'y attendais pas, hein? Non, parce que franchement, j'avoue que je pensais pas que vous trouviez. Enfin, que Psychose, tu trouverais si vite. Ouais, mais que c'est ouais, mais pas si vite, franchement. Donc, moi, c'est vraiment des trucs, c'est ça le truc. Moi, ou ça me marque ou ça me marque pas. Et si ça me marque, ça va très vite. Je l'ai en tête et ça sortira tout de suite. Ouais. Sinon, c'est rangé dans un tiroir très profond et je l'aurai pas. Victoire de Kirby par 7.2. Cette sonne, t'as pas été ridicule, mais presque. Presque. Donc, il a trouvé deux films, un grâce à un indice de ma part malencontreux et un les hélicoptères. Ah ouais. Et l'autre. L'autre c'était quoi? Il n'y avait pas d'indice, c'était Brevard. Ah Brevard, ouais. Ouais. Ça fait un peu lancé ça en tapant dans les coches aussi. Bah, c'était le genre de musique de ce genre de film, tu vois. Ouais. Bon, bah, victoire indiscutable. Hein, Merci. Tout est discutable. Voilà. J'essaierai de faire un peu plus original la prochaine fois. Bah, générique, à mon avis. Tu peux... Générique de série, un peu mal. J'ai pensé au générique de série, mais je m'y connais pas assez moi-même que pour pouvoir faire un truc potable. Vu qu'on fait des tournantes sur les différentes choses à faire, la prochaine fois, c'est Stetson qui fait le jeu, moi le débat et toi la musique de fin. Donc, voilà. Comme ça, on n'est pas obligé d'enregistrer. Non, si, on peut le révéler au public, bien entendu. D'accord. On révèle tout. On est là, on est transparent. 100% transparent. D'ailleurs, on tourne le podcast à poil, tellement il fait chaud. Voilà. On vous le révèle. Il fait très chaud aujourd'hui. Et juste Edson, qui, dans son côté très anglais, a gardé les chaussettes telles qu'elles sont. Et les sandales. Caleçon qu'il a très joli d'ailleurs. Bleu avec des cœurs. Donc, ben, voilà, on arrive à la fin lors de ce podcast. On va faire un dernier petit exercice mental, très rapide. C'est, les... Love, hate, coup de cœur, coup de gueule, comme vous préférez. Donc, pour reparler pendant... on table sur une minute. On tape sur ce que tu veux. Donc, je vais tabler sur une minute. J'ai un chrono en main, on tape sur une minute. Donc, à une minute, on arrête la personne qui est en train de parler. On crie, on fait ce qu'on veut pour qu'il arrête. D'accord. Donc, il faut essayer en une minute de réussir à caser tout ce qu'on veut dire. Donc, le principe, c'est que chacun d'entre nous, chacun de notre tour, va parler d'une chose qu'il a vue, qu'il a fait, qu'il a testé récemment. Alors, on a le droit de parler d'une chose qu'on a aimée et d'une chose qu'on n'a pas aimée. On peut citer deux choses, ou deux choses qu'on a aimées. Ou... On a compris. Vous avez compris le principe? Mais c'est pour expliquer à nos auditeurs, n'est-ce pas? Jean. Mais je crois qu'ils ont compris aussi. Tout à fait, je crois qu'ils ont compris. Et donc, on finira comme ça, puis après un petit... Quoique c'est beaucoup de Français, donc les capacités cognitives ne sont pas forcément hyper développées. Ça, c'était tu ma deuxième vanne sur le français. D'ennemis, je m'en beaucoup fous. Beaucoup d'ennemis. Bon. C'est pour rire. Alors, qui commence, Tetson? Tu veux commencer? Non. Tu sens chaud pour l'exercice? Non. Chauve. Moi, j'ai un coup de gueule sur les gens qui ont... Attends, faut que je lance le chrono, s'il te plaît. Mais ça durera pas une minute, de toute façon. Tu n'as que ça? Ouais. Tu n'as pas préparé un coup de cœur? Non, j'ai pas de coup de cœur, j'ai rarement des coups de cœur. Bah, fais un coup de gueule, alors, sur une chose que t'as vue, que tu trouves pitoyable, nulle, sur... Réfléchis pendant qu'on passe. Peut-être non, mais on peut y aller. Ouais, non. Ok. Chauve se lance, alors. Attention, ça va être épique. Je sais déjà de quoi il va parler. Moi aussi, mais bon. Coup de gueule contre les gens qui ont des cloches aux pieds quand ils se rendent à la Japan Expo. Je suis désolé, quand on se rend dans un endroit qu'on sait qu'on va devoir beaucoup, beaucoup marcher, beaucoup voyager, et qu'en plus, on n'est pas seul, la moindre chose à faire, c'est de prendre des bonnes chaussures, pas des espèces de baskets immondes jaunes fluo. Voilà. Des trucs qui donnent pas des cloches, et des trucs qui font pas attendre les deux autres personnes qui les font se retourner tous les 30 mètres pour voir s'il est toujours derrière, parce que monsieur boite comme un vieux galeux. Non, franchement, moi, ça me gonfle, ça me faisait sortir du liquide par tous les trous. Ça, ben voilà, c'était mon coup de gueule. C'était très épique, comme je disais. Et donc, pour résumer, tu parlais quand même de... De Stetson. Que les gens soient au courant, parce que monsieur Stetson, ayant des chaussures pas habilité pour ce genre de... Exactement. Pour ce type d'événement, s'est retrouvé avec des cloches aux pieds et n'a malheureusement pas suivi le deuxième jour. Bah, le premier soir non plus, d'ailleurs. Oui, déjà, le premier soir, il avait du mal. Voilà, déjà, pour le restaurant, voilà. Il avait du mal. Donc, le lendemain, monsieur Stetson a passé sa journée à regarder des conventions. Car en convention, on est assis. Et voilà. Une conférence. Et tu as, voilà, une minute. Mm-hmm. C'est parfait. Tu es cadré. Félicitations, Chauve. Je te félicite. Tu n'as pas de coup de cœur particulier? Tu n'as pas quelque chose que tu as vu, un jeu que tu as testé? Non, j'avais un coup de cœur sur une jeune stagiaire qui du boulot, qui faisait le meilleur moment de ma journée, mais elle n'est plus là, donc. Tu n'as pas envie de parler Red Dead Redemption? Non. Non, spécialement? Non. Ah, je pensais. Je ne suis pas encore arrivé assez loin. Je pensais que tu avais encore envie d'en parler. Bon. Ouais, mais j'en parlerai une autre fois quand j'aurai terminé. Ce sera pour un prochain podcast. Donc, nous allons passer alors Stetson, ou tu préfères que je le fasse d'abord? N'importe, tu veux faire un puis un? Oh non, on va pas casser le rythme. Hein. Ah bah vas-y alors. Je commence? Ouais. Ok. Je me m'auto-chronomètre ou tu crois? Oui, hein. On va te croire quand même. Bon bah. C'est parti alors. Bah, premier coup de gueule, ça va être la fin de Lost. gros coup de gueule sur la fin de Lost. Tu l'as vu finalement? Je l'ai vu. J'ai pas tout compris. Il y a rien qui est expliqué. On comprend rien. Ça ne clôture à rien du tout. En gros, bon, attention, spoil. Ils sont morts. Voilà. Tous. Comme ça, c'est fait. Ils sont morts. C'est révélé. Bon, après ça, franchement, qui est mort? Il y a plein d'énigmes dans tous les sens. Et la sixième saison, au lieu de s'attarder sur les énigmes et de répondre à tout ça, ils ont fait une sixième saison avec un épisode sur chaque personnage, à s'attarder sur des histoires d'amour, et on ne répond à rien. J'ai d'ailleurs vu une vidéo très intéressante sur le net. Un gars qui a pris tous des extraits de Lost et qui, en 5 minutes, résume toutes les énigmes qui n'ont pas trouvé de réponse. Donc en gros, il fait à chaque fois une question en montrant une image, en disant pourquoi ça. Donc c'est très rythmé. Toutes les 2 secondes, il y a une énigme, et il y a 5 minutes comme ça, toute une vidéo avec 5 minutes d'énigmes qui n'ont pas été résolues. Ou peut-être qu'il a rien compris. Donc non, mais elles n'ont pas été résolues. Par exemple, pourquoi est-ce qu'il y a un cheval noir qui apparaît à un moment? Pourquoi est-ce que Michael, alors qu'il est mort, vient parler sur un ordinateur puis on n'en entend plus parler? Pourquoi est-ce que... Enfin, toutes des questions comme ça qui... On a vu les scénaristes, ils perdaient un peu eux-mêmes. Je pense aussi, ils ont dû clôturer assez vite alors qu'ils ne voulaient pas le faire. Donc voilà, je dépasse ma minute. Donc bref, coup de gueule à la fin de Lost, qui pour moi n'était pas adapté à une série pareille et aurait pu être beaucoup plus original comme le reste de la série. Voilà. Donc ça, c'était pour mon coup de gueule. Ah oui, je fais un coup de cœur. J'allais faire un deuxième coup de gueule, mais je pense que je vais faire un coup de cœur. T'as toujours le coup de la stagiaire, hein, ça passe toujours. Alors j'ai un coup de cœur pour la stagiaire. Étant donné qu'il n'y a pas de stagiaire à mon boulot. Bon. Bah, c'est reparti pour le deuxième alors. Attention. Let's go. Alors mon coup de cœur, ça va être pour un petit logiciel en fait, simplement, qui m'a sauvé la vie cette semaine, qui s'appelle GetDataBack. GetDataBack NTFS pour être précis, mais en version FAT. Il m'a sauvé la vie cette semaine parce que j'ai eu le malheur de vouloir, comme de nombreuses fois, aider quelqu'un à solutionner un problème informatique. Et disons que j'ai fait une fausse manipulation et que je n'ai pas sauvé les données et que le disque a été formaté. Donc, c'est ma faute, mais à coup de passe, c'est mon entière faute. Résultat, le disque formaté, la personne avait perdu toutes ses données. Et après de longues recherches sur le net, j'ai fini par tomber sur ce petit logiciel, GetDataBack, qui a fait des miracles et qui m'a récupéré 95 ou 95 pour les Français, pour 100 des données. C'est quand même impressionnant. Il m'a récupéré tout. Je l'ai déjà utilisé. Même les films au complet, les séries qui avaient été téléchargées, donc des gros fichiers ont été récupérés sans fausses notes, sans rien. Donc vraiment, mais bon. Attention, il faut une fois que le formatage fini ou l'erreur faite, ne plus toucher au disque et ne lancer que ce logiciel-là. Parce que si on commence à toucher et à copier des trucs à d'autres endroits, évidemment, les données sont rompues. Donc voilà, un petit coup de cœur pour ce logiciel. Très pratique. Très pratique. Voilà, alors... Je remets le chrono à zéro. Stetson, il y a le téléphone qui sonne. Il n'y a jamais personne qui répond. Je suis sûr qu'il a encore que dalle à dire. Stetson qui est en caleçon. Tu peux... Et en sandales et en chaussettes. Tu es prêt? Ouais. 3, 2, 1. Fatality. Hospital. Mon premier, c'est un jeu PS3 qui est sorti... Stop. Non, je... Ton premier quoi déjà? Mon premier coup de cœur. C'est un jeu PS3 qui est sorti il y a longtemps au Japon et aux US, mais qui vient de sortir en Europe. C'est Demon's Souls. C'est un... Me regarde pas comme ça, j'en sais rien. Moi. C'est lui que je regardais. Ouais, non, c'est pas un toi, vieux RPG. Enfin, c'est un RPG old school, vachement difficile. En fait, je viens de comprendre le titre. Avec la prononciation, j'avais pas compris. Moi, j'avais toujours pas capté. Démon Soul. Ah oui, ok. Pour faire à la française. Et qui est très très bien et qui est très très difficile. Et ça change un peu d'avoir un jeu où tu dois faire attention à ce que tu fais et pas juste avancer comme un gros crétin. C'est tout. C'est tout ce que t'avais à dire là-dessus. Ouais, bah faut être court. Hein. Donc, bah oui, d'accord, mais bon, t'as tenu 30 secondes là avec nos conneries. En plus avec nos conneries. Avec vos conneries. Au moins une minute quand même. Hein. Tu es laborieux. Même chaud avec son coup de gueule sur les cloches au pied. Un peu brodé. Ouais. Faut broder, voilà, il faut imaginer. Bon, Stetson n'est pas encore au point, mais il aura droit à des cours de comédie. Ouais, de communication surtout. Aussi. Et mon deuxième. Et de prononciation anglais, parce que le titre du jeu, je ne l'avais pas compris tout de suite. Demon Soul. Ouais. Demon Soul. Bon, Demon Soul. Voilà. Demon Soul. Ça le fait un petit peu à la française, mais au moins on le comprend. Bon, suivant. Stetson, c'est un coup de cœur ou un coup de gueule ensuite ? Coup de cœur encore. Encore ? Ouais. Stetson aime. Stetson est bisounou. C'est un film français. Oula. Ah oui, tu m'en as parlé. C'est en VO, moi. Tu m'en as parlé. Ah oui, c'est en VO. Crétin. Bien joué, Chaud. Donc, oui, tu m'en as parlé tantôt. Ouais. Et donc, c'est parti. Donc, c'est un nouveau film français, c'est Tourné de Mathieu Amalric, qui avait été assez bien reçu à Cannes. Avec les poutes. Avec une troupe de New Burlesque. Ah oui, j'en ai entendu parler, ce truc-là. Et c'était très bien. C'était très bien réalisé, très bien écrit. Et Mathieu Amalric, j'aime beaucoup. Son jeu d'acteur et donc de réalisateur, parce qu'il joue aussi, il réalise mais il joue. Et la troupe, ben, c'est marrant quoi, de les voir dans des villes françaises pas très, tu vois, au Havre, à Nantes, pas les villes. Au Havre. À Nantes, je sais plus où. Et... Ça peut faire plaisir au Havre et au Nantais. Mais donc c'était très bien, c'était original. Un mini speech pour nos auditeurs. Un mini pitch, pardon. Oui, un pitch. Pitch, excusez-moi. C'est. Mathieu Amalric, qui était producteur de TV en France, qui va aux US. Et on ne sait pas trop ce qui s'est passé là-bas, mais il revient avec cette troupe-là pour faire des spectacles. Et c'est, il leur promet d'aller à Paris, mais il essaye de les faire aller à Paris. C'est une troupe de cirque, c'est un cabaret. Non, c'est... New Burlesque, c'est un genre de striptease. De pute. De pute. Ouais. Et c'est voir leur chemin dans les petites villes de France. C'est un espèce de road movie, quoi. Ouais, à moitié. Mais... Très bien, bah pour celui-ci, t'as réussi à faire la minute, c'est bien. Au moins, t'as dépassé, même. C'est bien, Stetson, je te félicite. Merci, je peux avoir des applaudissements. Je voudrais profiter, bravo, de ce petit moment de calme pour faire une spéciale dédicace à mon idole, Art Gay. Voilà, merci. Tu pouvais le faire sur le tour de ta finale. Merci pour lui. Et voilà, c'est le tour de ta finale. Ok. Donc, voilà, nous arrivons à la conclusion de ce premier jet de podcast. J'espère que... C'est écoutable. Que c'est écoutable et que vous n'aurez pas décroché au bout de quelques minutes. Ne nous allumez pas trop non plus. Ne nous allumez pas trop, oui. On débute. C'est un premier jet, un premier essai. Il y a beaucoup de choses à améliorer dans la présentation, dans la forme, dans le moyen technique. Surtout le physique de mes deux compères. Mais ça, on ne le voit pas. On était quand radio. On sera en vidéo. On a, juste comme ça, on a un physique de radio, contrairement à toi. Donc. J'ai un physique de pas de radio, moi. Non, du tout. D'accord. Donc voilà, c'est un premier jet. On... vous êtes gros, oui, c'est ça. Moi, pas. Physique de radio. On s'est essayé à l'art du podcast, l'art difficile du podcast. Et ça, il faut le reconnaître, c'est très difficile. Les 3 mois qu'on est dessus, c'est la première fois qu'il n'y a pas de soucis techniques. Si, il y en a eu. Il y en a eu plein, mais. Mais au moins, on est arrivé jusqu'au bout de cette aventure, c'est déjà bien. Donc, on va pouvoir sortir un premier jet, qui sortira, à mon avis, d'ici une semaine ou deux. Donc, ouais, mais ça. Mais non, mais c'est pour situer par rapport aux news, peut-être, qui seront plus très fraîches ou. De toute façon, c'est pas un podcast qui a vocation de news, je pense. C'est plutôt une discussion entre amis, donc. C'est pas mon ami, lui. entre potes, excusez-moi. Donc, j'espère que vous avez passé un bon moment. Vous également, mes deux chroniqueurs chez vous. Ah oui, toujours. Bon. Atroce. Stetson et son avis contradictoire constant. Donc on, voilà, on tend à s'améliorer. On va mettre un peu plus de moyens techniques pour essayer que ça fonctionne cette fois-ci du premier coup. Car les premiers enregistrements ont été laborieux, même celui-ci. Très laborieux. Très très laborieux. Essayer de se structurer un petit peu, de prendre un rythme de croisière, de savoir où on va et comment on gère... D'avoir plus de femmes aussi. D'avoir plus de femmes si tu veux, mais je ne sais pas qui viendrait se joindre à nous. Quand on sera célèbre, on aura des femmes. Enfin, des femmes sur le bateau, quoi. J'espère également pour nos amis français, parce que beaucoup d'auditeurs, à mon avis, seront français également, que l'accent belge ne vous rebutera pas. De toute façon, on vous emmerde. L'accent namurois des deux, là. Je n'ai pas un accent namurois, j'ai tendance à le perdre. Toi, tu recommences à prendre un accent liégeois, toi. Voilà, c'est ce qu'on me dit. Sinon, de toute façon, notre accent vous emmerde et vous avez un accent aussi. Insupportable, en plus. Sinon, ceux qui auront la chance d'écouter ce premier podcast, ce seront ceux qui auront... Oui, la chance ou la malchance, évidemment. Dites-vous bien que vous êtes des précurseurs et que dans quelques années, on vous demandera vos autographes pour le simple fait d'avoir entendu nos voix en avant-première. Ce seront certainement ceux qui auront vu la publicité qu'on essaiera d'en faire. Vous pourrez nous retrouver sur iTunes, certainement, on essaiera de créer ça. Ou à domicile. Sur le forum, dont je communiquerai certainement. Je suis chez moi le lundi, mardi, mercredi et jeudi soir en général. Sur le forum, donc, et le blog, quand j'aurai posté l'adresse qui sera sûrement créé au moment de publication de ce podcast. Sinon, à part ça, vous pouvez, pour ma part, me suivre sur Twitter. Je sais que les deux autres n'y sont pas. Je sais que Stetson est inscrit, mais ne tweet pas beaucoup, je pense. Je crois pas. Et moi, il n'y a pas de risque. Donc moi, vous pouvez me retrouver pour le moment sur @NicolasToffel, ce qui est mon vrai nom, mais je vais changer ça parce que ça risque d'être compliqué à appeler. Je le mettrai de toute façon dans les liens du podcast. Sinon, à part ça, il raconte sa vie, c'est pas intéressant. Sinon, à part ça, que dire de cette première expérience, Stetson, un avis. Qui fait chaud chez toi. Voilà, chaud, mon avis. Ouais, j'ai chaud. Voilà, à part que ça a été laborieux, je crois que c'est la chose à retenir. C'est vrai qu'on a commencé ça cet hiver. Hein. Oui, on a quand même commencé ça il y a quelques mois. D'ailleurs, on a des versions collector, mais on les mettra en vente quand on aura des versions DVD. Je ne pense pas qu'elles seront publiées. Je ne pense pas que le numéro 0 sera publié. Le numéro 0 est très bien. Je ne pense pas. Si, franchement, il est bien. Donc sur ce, ben, pour ma surtout part... Surtout grâce à mes interventions, bien sûr, mais... Sur ce, pour ma part, je vais aller prendre une douche, car je n'en peux plus, je suis trempé. Et moi, je vais reconduire Stetson, qui n'a pas son permis de conduire. Stetson, il faut savoir donc que Stetson a une barbe de taliban, un look d'anglais, des cloches aux pieds et n'a pas le permis de conduire. À 26 ans. 25. 25, bientôt 26. Et en plus, c'est nul au blind test, donc demandez de plus. Un homme à marier. Voilà, donc sur ce, on vous laisse... Pour la musique de générique, je n'ai pas encore choisi, mais... Mais on va quand même un générique au montage, donc... J'ajouterai un petit générique de mon choix, parce que c'est à mon tour de choisir un générique. Pour la fréquence d'enregistrement, on se retrouvera dans un mois. Je pense que le rythme mensuel pour... Dans un mois, je suis en vacances. Pour un début sera bon, plus ou moins, au mois d'août. Celui-ci sera publié au mois de juillet, le suivant sera publié au mois d'août. Et ainsi de suite, à la rentrée en septembre, en octobre. On essaiera d'avoir un rythme quand même assez... Régulier, voilà. J'allais dire soutenu, mais ce n'est pas le cas, car nous sommes des gros glandeurs, mais réguliers. Voilà, parfait. Donc sur ce, au revoir. Merci. Tout le monde. Merci de nous avoir écoutés. Stetson, au revoir. Chauve, on se retrouve après dans la chambre. Ouais, bien sûr. Et à la prochaine pour un nouveau BGS. Bonsoir, messieurs, dames.